Bonjour et bienvenue pour ce premier apéro original. Les gens qui mangent des chips. On va manger des chips. T'entends ? Il y a une bière sur la table. Non, je tiens à l'anus. C'est con entre potes et de s'enregistrer parce que c'est marrant. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Merci, Inspecteur Gadget. Allez, viens. On est bien. Oh, là, je suis bien. Je ne bouge plus. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e distingué épisode 3 de l'apéro original. Avec autour de la table à ma droite Asto. Salut. À sa droite à lui Jonjon. Salut. Ensuite on a la plus grande Sophie. Nous voilà Sophie. Qu'est-ce qu'elle est bonne. T'es en train de manger. Eh bah ben oui. Toujours la bouche pleine. Sophie toujours la bouche pleine. Ah, j'adore. En suivant, on a G81. Bonjour à vous. La mafia, toujours. Voilà. Ensuite, on a Monsieur David Rampion. Yo, salut. Rampion. Le grand. Rampion. Le grand. Et enfin, on a David Lafarge avec nous. Azertov. Coucou, c'est moi. J'ai la lunchbox. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu, votre serviteur touche. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme de ce troisième épisode? D'abord, on va commencer par rappeler qu'on retrouve l'émission sur Pod Radio. Tu es plus. Au moins sur deux canaux, dont le bêta, et après le deuxième, je ne sais plus lequel. Je ne sais plus. Voilà, à une horaire que vous pouvez aller consulter sur la grille. Dans le contenu de cette émission, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier de Astos Natif qui s'intitule Avec ou sans consentement, sans clopipo, puisqu'Azarko a piqué son verre. Bah, il fallait être là le mois dernier, en fait. Exactement. Voilà. Ensuite, on a les questions aux invités natifs que Pépé attend avec impatience. Une impatience brûlante, ça se voit dans ses yeux. Ouais. Pour essayer de torpiller la chronique encore plus rapidement qu'en 30 secondes. Je peux même le faire maintenant. attends, on va te laisser patienter un peu. Ensuite viendra le grand moment de Gandalf, hein, pour une fois. Avec un quiz, intitulé, je cite, Apéro vaginal, le triple X par audios natif. Entre parenthèses, dans quel sens prend-on la bouteille de clopipo? Fermez la parenthèse, rouvrez la parenthèse par le cul. Voilà, ça au moins c'est fait. Et on terminera avec une petite musique que j'ai choisie et qui est. Elle est bien. J'allais pas mal, hein, franchement, vous verrez, restez jusqu'au bout, vous la découvrez. Ça vaut le coup. Voilà. On va commencer par la dégustation des bières. Et pour présenter ça, qui c'est qui va nous faire Monsieur David Rampillon, on va commencer. Non, je fais comme à l'école, je regarde pas. Allez. Je regarde pas, il va pas jingle. Du coup, question, je lance le jingle ou vas-y, je lance pas le jingle? Tu peux lancer le jingle. Vas-y, monsieur. Enfin, pour conclure, je dirais que la règle numéro 1 dans un deal, c'est de ne jamais. Goûter! On va goûter. Pouah ! Allez, folle ! Oh ! Ah, j'ai faim ! Ah, j'ai chaud ! C'est ah, j'ai froid ! J'ai soif ! Allez, non, vous fuyez, les gars ! Ouais, bon, c'est pas grave, ça grésille, on s'en fout. Qu'est-ce que c'est que cette bière ? Pas au montage. Au montage, ça va pas grésiller, t'inquiète pas. Au montage, c'est grésille. Ah, tu n'es pas dans le retour. Alors, une pécheresse. M'en fous, c'est passé. Une pécheresse, donc voilà. Il gagne notre argent. Une pécheresse, ouais, voilà. De... Une pécheresse. Voilà. Une pécheresse. C'est bon. De chez Lindemans. C'est une demi-bouteille de champagne ou... Il y a de la pêche. Il y en a. Avec de la pêche. Il y a de la resse. Bon, 2,5, hein, moi je suis habitué à des trucs pas très forts. Hein. Gandalf aussi. Mais lui, il vomit même quand il boit pas. Donc, il est hors sujet. Pas de femme enceinte non plus, je vois rien. En fait, c'est marrant parce que vous parlez de la touche mobile parfois et je ne vois rien. Bah, c'est parce qu'il n'y a pas. Parce que tu peux boire et conduire. Voilà. Et là, t'as pas besoin de choisir. Ouais. C'est pratique. Bon, bah, on va ouvrir ça. Allez, ramène ton Dalek. Allez, vas-y. Oh. Dis donc, petit Dalek. Ah. Non. tu vois, je l'avais dit. Hein, la déception. Oh, plot twist. Il y avait un bouchon. Plot twist. Sous la capsule, il y avait un bouchon. Est-ce que Dame Béatrice peut nous amener ça? Et nous, on va pas l'ouvrir hein, parce que nous, on est des vieux avec deux chants, on a déjà mal au cerveau. Mais non, tu sais, ça, c'est un coup. D'ailleurs, est-ce que le baume que je t'ai passé dans le dos te fait effet? Ça me fait bien. Alors, ce qui se passe entre les épisodes, dans un mois, dans le mois. Je t'ai mis sur les épaules. J'ai un peu mal au cul maintenant. Faudrait qu'on voit ça. Ah, mais ça, c'est parce que t'es trop petit en fait, c'était pas tes épaules. Eh, ça tombe bien, c'était pas du baume non plus. C'était pas une boule. Ah si. Ah bon. Allez, mais fais-le, parce que je vais me péter. Moi, c'est un coup, est-ce que je reste ici pendant. Bon, alors, pendant que Gandalf allait m'en occuper, hein, pour une fois, ça va changer. Non, ouais, mais il continue à parler, même quand il. Allez, bon, ouais, qui c'est qui va ouvrir la suivante? C'est toi qui dis. C'est qui ah, c'est moi qui donne. Ouais, ça sera le chevelu en face, tiens. Allez, tiens. Ah, Jean-Jean. Monsieur Jean-Jean. Merci, monsieur. Parce que je vois un autre décapsuleur parce que celui-là n'en supporte pas. Ah si, alors, non. Ah, bah, moi, je c'est bon, j'ai enlevé la tablette, c'est sur ça. Si vous voulez, je vous en avance. Oui, au mieux. Ouais, c'est ça. Ah ouais, la classe. Ah, j'ai pris une BBF, une Bordeaux Beer Factory, qui vient donc de Bordeaux. J'ai rencontré un des gars pendant le marché de Noël de Bordeaux, ils sont super sympas. Et on en a, il faut qu'on les discute, enfin, qu'on les déguste. Je te les discute. On va pas y arriver. Ouais, moi, le parti, là. Je suis d'accord pour les deux. On n'a pas dérivé plus que ça avant. Ça commence, ben non. C'est parce que jusqu'à présent, on avait la craft beer. Comme petite prune, ça va t'aider à parler. C'est vrai qu'il y a la prune. Celle-là, elle fait tellement peur à tout le monde que personne n'a. Il y a l'autre bouteille. Non, autant le whisky. Autant le whisky, je veux bien, et le rhum, mais la prune, en fait, ça. Un petit mélange de trois. Allez, Jean-Jean, vas-y, fais ton avis. Le beer, donc, c'est interdit aux femmes enceintes, toujours conseillé aux voitures. C'est à 5 degrés, donc on est exactement conseillé en voiture. Putain, je sais pas pourquoi. La température de 9 degrés, donc je dois être un petit peu trop froid, mais je pense que je vais quand même le boire. Allons-y. Qui a peur d'être un peu C'est une brune, hein. Une belle brune. C'est toute, donc ouais, il y a des chances qu'elle soit un petit peu étale, ça. Il y a un peu à manger et à boire, quoi. Oula, oui, c'est noir. C'est la bière enfoirée très vite. C'est un beau Coca-Cola. Ouais. C'est vrai qu'elle est. Ah ouais, la même mousse Coca-Cola, on y est. Et donc je vais pouvoir passer le décapsuleur à Gandalf. Ah merci. Mais cette fois au moins je peux lui donner. Oui. Non, ah, Ice Contact. Ah bah les Daleks. Et on va souhaiter une bonne Saint-Patrick à Cobal. On sait qu'il va la fêter. 2019 du coup, parce qu'on est déjà dans le vif. Ouais, parce que là on est déjà au mois de juin. On a même le temps de revenir. Mais là il est en direct. On a le temps de revenir dans le passé. Oui. Et d'aller le voir ce soir. Même de retourner. Ah. Chiche, il n'y a pas tellement d'heure d'heure. On peut retourner vers le Turfu d'ailleurs. Voilà. Ça va grésiller, mais ça va retourner vers le Turfu. Allez, fais péter la capsule, toi. Ceux qui se rappelleront d'une certaine session 11 se rappelleront que certains podcastos ont dû me tenir les cheveux. Parce que j'ai eu on m'a dit ça, ouais. Un moment d'absence, comme dirait. Un petit coup de moins bien. T'as pu lucher sur le tableau. Tellement t'es le plus proche, tous les deux. Ah, non, j'ai pas été aussi proche. C'est vraiment le premier jeu aussi proche. Ah, mais t'es pas encore aussi proche de Pépé que Noé. Ah, lui, par contre, il a trouvé le. Les cuisses sont souillées. Oui, il a trouvé les clés du bonheur. Et donc, j'avais ramené des bières, forcément, que je n'ai pas bu parce que j'étais torchon chiffon. Quoi? Torchon chiffon carpette, et j'ai décidé d'en ramener une cette c'est fois pour faire un peu le lien. De Naruto aussi, torchon chiffon carpette. Torchon chiffon carpette. Vomi. Cheval chien carpette. Hop là, attention les yeux. Et donc en fait, c'est une bière, donc ce que j'avais essayé de boire la dernière fois. C'est la Saint-Pierre qui l'a fait, et c'est une forte Wenger, et c'est une bière au pain d'épices. Oh, 5,8 degrés, on peut la mettre dans une poubelle recyclable, magnifique. Oui, mais même la bouteille. Et par contre, une femme enceinte, on peut pas lui mettre dedans. Elle peut pas la boire. Chiche. Je sais pas. Chiche. Je suis sûr qu'en forçant bien, ça passe. Bébé, ça te rappelle. De toute façon, ça mousse. Ah ouais. Je faisais le con avec mon Alec. J'aime bien Metroid, moi aussi. C'est marrant, avec Gandalf, ça mousse toujours. Alors, attends, attends. C'est pas moi qui ai mis de la Spencer, aucun. Digue le retard. Quoi un Talons. Eh ben, d'ailleurs, je sais pas qui a ouvert sa bière. Ah oui, ah bah oui. Oh, pas il me reste Pépé, Asto et Azertov. Mais je vais faire Pépé parce que on est. J'ai jamais été aussi proche de Gandalf. Rapproche-toi de. C'est quand même bien triste. Bon bah moi je continue sur l'arc narratif qu'on a commencé il y a 2 mois. Hein. Ah l'effet papillon. Et donc brasserie. L'effet petit pont. L'effet petit pont. Petit pont. L'effet Maurice Papon. L'effet patapon. De Mérignac. 33700. Et moi j'ai choisi la India Pale Ale parce que j'aime bien ça. C'est quoi? C'est 6 degrés donc c'est cool. Mmh. Voilà. 33 centilitres, voilà, une bière de couleur blonde et de fermentation haute, merci Wikipédia. C'est blanc, c'est au prix ça. Et, bah, c'est parti. Et je crois que sur les 3 émissions, on a passé tout le panel de l'effet papillon. Ah, mais on a passé les 3, oui. Les 3 bières qui étaient disponibles. Ouais. Chez Vœux de Bœuf. Chez Vœux de Bœuf. Il n'y en avait que 3 dispo à la vente là, chez Vœux de Bœuf. Qui n'a pas décapsulé. Allez. Gandalf, mais ça c'est pas nouveau. Récemment. Attends, je finis un tweet en réponse à Monsieur Péremptoire et. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Envoie, je vais décapsuler moi alors. Allez, Asto. Comment ça, tu veux faire gagner du temps dans ce podcast? Mais c'est dégueulasse. Non, mais dis donc. Allez. Alors, allez, moi, il nous reste 5 minutes avant la fin du direct. Combat, dépêche-toi. Surtout, vote. Hein, tape 1 pour Gandalf. Et pense à la clé. Et sors. Moi, j'ai une thématique 3ème bière. Après avoir fini la dernière session d'enregistrement avec la Rest in Peace, cette fois, je finis avec la IPA Beer of the Dead. Il y a une thématique chez toi, il y a un truc. Voilà. Ma route. C'est la tout hope, ça. Hope on or die. Ah, t'es nécrophile, toi. Putain, tu me caches des choses. Quoique exterminer les profils. Me tombe, bâtard. Non, mais tu passes par le dessus. Ça, c'est la spatialisation de. Ah, ben ça, c'est la spatialisation des gens, donc il faut s'y croire. On va faire du binaural. ça va plaire à Ben. Comme e-dozer. Ça, e-dozer. C'était des drones. Allez, Asto. Hasard. Pardon. Putain. Il y avait e-barber, il y avait. Sur quoi on est parti? Alors moi, on est parti sur une bière d'importation de Québec. Le Québec. Donc c'est Richard qui le casse dans le monde et c'est une le Seigneur Noir. Pourquoi nos copains de Bayou? 11,5. Oula, c'est bon. Donc ça va tabasser un petit peu. Ah, celle que j'ai failli prendre. Sa maman. Ouais. Ah donc c'est toi qui a le, c'est toi qui gagne le. C'est le Colo Game. Bien sûr interdit à Sigourney Weaver. Et c'est à peu près moi je passe pas dans le rayon, mais je crois que ça a l'air bien black quand même. Ah bah ouais, je crois que je vais déjà puisque déguster une, parce que j'ai du mal à dire déguster. Déguster. J'ai du mal à déguster. Voilà, on a lancé le jingle, on va déguster ou je crois pas. Non. Si. Le mec du coup, on va l'avoir 2 fois hein, parce que j'ai touché le. Il a pas mis la bière, t'as touché les morts quoi. Ouais. Mais t'as du mal à toucher les morts toi. En fait c'était bon. L'avantage avec des stouts comme ça c'est que ça mousse pas. Ah bah non, le truc est tellement. Allez, et pour finir. Ah oui. Moi j'avais du coca, lui il a du bazou. Ah non, c'est du pétrole. Tu vois la Guinness? Bah j'ai au-dessus. Ouais, carrément. Non, mais la Guinness c'est de la pisse à côté. Allez, pour finir. Tu me fais peur, tu t'en redis là. On va partir dans les Landes, on va descendre chez les chasseurs de Dragon. Est-ce que je peux faire une blague sur les Landais? La mousse, elle est brûlée. Mais vas-y, tu peux faire ce que tu veux avec les Landais. Pourquoi les Landais, ils sont toujours sur des échasses? Surtout avec le. Je sais pas. Parce qu'ils ont peur de se faire enculer par les Basques. trop de choix, on va faire ça. Ouais. Et donc, on va du côté de Saint-Sever. On s'en branle, on les aime pas. Oh bah. Brasserie Micromega. Micromania? Non, pas Micromania. Et ça fait énorme un peu de déité. Petite saison. Je sais pas si dans les épisodes précédents, Pépé en j'ai avait pas une, pris. J'ai une reptilienne IPA que je n'ai pas encore. Voilà, une reptilienne IPA. Ça qu'on pour avait, le mois prochain. Qu'on avait déjà dégusté ensemble. Ah, sur le troisième passage au CTR. J'ai plus assez de lumière donc. Non. Après, ça sera à tes frais pour venir par contre. C'est ça. À vos frais. Elle est titrée à 5-7 et elle est bonne. Viens-y, mangez-en. Voilà. Malgaisin, c'est comme ça. Le malgaisin, ça me fait peur. Passe bien, ça va. Mais. Ah, classe. Il vient de décapiter une bière sans son décapsuler. Ah oui, les invités, ils amènent un outil. Je fais honneur aux invités. Il y a la grande bouteille. Ça va devenir votre gimmick. Oui. Il va falloir. Ça va devenir votre gimmick. Oui. Maintenant, vous allez plus vous en passer. Et si on a encore soif après le clopipo qu'on sûr, a. Bien sûr. Attends, on est au pays du clopipo, L'apéro original sponsorisé par le clopipo. D'ailleurs, c'était une émission à suivre sur Balado Direct. Direct.fr. Ce machin, l'autre là. Comment il s'appelle déjà ce machin qui fait du bruit? Balado Dalek. Balado Dalekos. On a ensuite la bouteille de whisky qu'on n'a pas entamée tout à l'heure. Et la prune qu'on a déjà entamée, mais qu'on va pas entamer. La petite prune de 99. C'est ça. On a le rhum de Longchamp. Je sais, mais bon. On a aussi une Lupulus triple d'Ardennes. Donc on va, je pense qu'on va bien avoir. Donc interdit de Lee Weaver, monsieur qui met un morceau de truc dans la poubelle. Et à 8,5. Monsieur qui met un truc dans Sigma Weaver parce qu'elle est... Parce qu'elle est enceinte. Bon allez, on va se goûter ça tout de suite. Ah oui. Santé. Mais pas des pieds, hein, vous connaissez. Ouais, la ringue. Trois fois la même journée. Qu'est-ce que je vous sers? La bite, mais pas trop fort. C'est vraiment important. Ouais. Allez, claque ça au-dessus du micro. Ah, moi je fais une joie. Jean-Jean, on a toujours le. On a une nice contact avec Jean-Jean. Allez, reposite. À Cobal. Ouais, il n'y a pas Revan, donc on attend Revan en fait. Cobal, celle-là est pour toi. Elle est passée tout à l'heure, Revan. Elle avait l'air inscrite sur la tête. Allez. Du pétrole. Le pain d'épices amène une certaine rondeur, mais pas plus. Vas-y. Moi, je vais le sentir. Ah si, ça y est, là, je sors, il veut le pain d'épices. Fais péter ton pain d'épices, toi. Ouais, aussi. Bah, tu vas voir. Pendant qu'il y a un échange de fluide, là. Corporel. Tu anticipes bien la suite du programme avec les échanges de fluide. Tu le fais, les échanges de fluide. Ah, mais le titre du sujet suivant, c'est après. Après, de bouche, tu vas mieux le sentir. Elle est vraiment délicieuse. Allez, je vais passer la main au petit Astos natif. Ah, ça va vraiment passer la main. Pour son dossier, avec ou sans consentement. Par le col et par le toit. Est-ce que droguer, c'est... Alors, un monsieur ici présent a essayé de voler mon concept de dossier précédente. Oui, mais c'est bon, il y a un mois de ça, c'est bon, c'est passé. Donc pour me venger, bah, j'ai fait double sac de bouquins. C'est là que je me rends compte qu'en fait, j'ai pas uploadé double les sac, musiques qu'il fallait en fait. Plus des icônes, j'ai pas mis. Non. Ah, on verra ça après. Non, on verra. Mais en plus de ça, j'ai mon collègue Gandalf qui va m'aider également. Dans ma chronique. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment apprécier cette aide. Oh putain d'enculerie. Puisqu'il a amené également du. On fait un DP. Il y a ceux qui font un DP, il y a ceux qui font un DP. Pour alimenter ce dossier. Alors il va y avoir. Puisque le dossier s'appelle avec ou sans consentement, le but du jeu va être de deviner si oui ou non il y a consentement. Oula. Donc on va sortir. Allez, on va sortir des bouquins au hasard et vous allez devoir deviner. Le temps que tu sors ton. Je veux bien. Tu peux finir ta phrase, s'il te plaît. Le temps que tu sors ton. Il y a moyen de. Allez, vas-y. Fais péter parce qu'il y a des gens dans le chat qui. Comment vous dire, faut que je dise quelque chose. Enfin, c'est nous. Il y a Cobal. Fais-lui péter. Mais oui, non, le problème en fait, il faut que je décapsule. Je te décapsule. Pas l'habitude. Mais il est dans. Même ça. Lâche pas le morceau, montre que t'es un vrai pitbull. Ah si, là, je le vois le... Putain mais... Tu le vois. Eh ben j'ai pas d'ongle moi. Et tu l'as donc même. Continue ton... Oui vas-y, ouais, peut-être que tu peux sortir. Allez vas-y Asto. Alors je vais sortir le premier livre. Donc à la couverture et au titre, vous allez devoir essayer de deviner si oui ou non. Titre. Il y a consentement. Ah. Alors le titre, tu veux le titre déjà? Le titre s'appelle Slave Wife Mariko. Consentement. Consentement. Ah, avec non. Ou sans consentement. Sans avec consentement. Je dirais avec. Oui, moi aussi. Les deux. Sans. Avec. Ouais. Moi, dans le pur respect intérieur, je dis toujours sans. Sans consentement. Vous voulez la couverture Attends. Allez. Quand tu dis sans consentement, ça veut dire sur la totalité, c'est-à-dire que la femme ne change pas d'avis ou trop. Oh mon Dieu. Non. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Intéressant. Ah ouais. Attends, moi, je m'en fous de la couverture. Non, mais je vais faire un peu. Ah, voilà. Oh. Mais tu lis ça, toi? C'est Golden. Oui, je l'ai lu, celui-là. J'en ai deux sacs comme ça. Deux sacs. J'en ai deux sacs comme ça. Mais t'as quel âge pour lire? Mais attache-moi, c'est de la rigole. C'est de la rigole. Ah, bah oui, c'est de la pissette, hein. C'est de la pissette de l'humour. Du cul. Ah, bah là, il y a tout, là. Alors, c'est compliqué. Avec ou sans? Moi, je dirais avec. Bout de jambe, mais il est clairon. Celui-là, c'est compliqué. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une madame. D'ailleurs, clairon. Non, c'est vrai. Ouais, qui surprend son neveu. En train d'essayer d'avoir des attouchements sur une fille dans le métro. Oh bah bravo! Il n'y a pas une seule page de clip. Attends. Ah bah sans consentement, du coup s'il essaye. Voilà, et donc en fait pour calmer le garçon, jeu. pour pas qu'il viole la fille dans le train, soit. C'est pas bien de violer, j'ai décidé de l'aider. Hein? Ah oui, bah oui, forcément. Voilà. Attends, l'aider à violer la fille ou non, à, avec non, elle non, voilà. Avec lui. L'aider à dire. Non, mais. Lui faire passer l'envie. Quoi. Voilà, lui faire passer l'envie. On va lui faire passer l'envie. À sa manière, sur ce, va se démarrer une relation extrêmement saine. Entre une dame et son neveu. Il vaut mieux ça, quoi. Qui doit avoir 20 ans de moins qu'elle. Une relation extrêmement saine entre une dame, oui, et son neveu. Oui, et pourquoi pas. Ça se passe dans le nord de la France. C'est tout à fait simple. T'as jamais entendu parler de Christine Boutin? Alors, j'ai mon meilleur pote qui était en classe avec son neveu. Ouais. Et donc oui, on va lui demander. Ouais. J'en ai entendu parler, oui, de Christine Boutin. Pas et donc, on peut dire que oui, en effet, il y a consentement entre ce jeune garçon et sa tante. Ah, parce que, oui, bah, c'est mieux que le gars. Ouais, mais s'il essaye de toucher. Après, il faut définir. Mais il n'y a pas eu consentement. Il n'y a pas eu acte. Il n'y a pas eu non. Par contre, à la fin, ça tourne un peu. Il n'y a plus consentement. À la fin du truc, il n'y a plus de consentement. Arbitrage vidéo, est-ce qu'il y a eu mec? De quoi? Dans le wagon, quand il dit à sa fille, est-ce qu'elle est consentante? Ah bah non, c'est de l'agression sexuelle. Du coup, il y a non sans consentement. Oui, mais il va pas au bout. Non. Ouais, mais la fille veut pas qu'on aille, donc il va pas au bout. Il veut pas, mais c'est un tentative. Ah bah je vais vraiment jamais, je confonds, ça c'est sûr. Mais dans le truc principal, on peut considérer qu'il y a un consentement. C'est encore une histoire de tente, coucou Tocheux. Même si ça... Remember, il y a... Parce que ceux qui vont voir la mort vont commencer à se poser des questions sur la sexualité de Tocheux. Comment va Laurent? Comment va Lolo? Après, a priori bien. On recommencera dès que ce sera cicatrisé. C'est le bras. Le coude ça passe, mais c'est l'épaule, c'est plus dur. Non, c'est la montre. Les Fitbit, tu sais. Ah bah tu l'as eu ta Rolex avant tes 50 ans. Ouais, mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu le jour de mes 50 ans aussi. Donc, la suite. Est-ce que tu peux nous donner... Attends, rassure-moi, t'as que ça là dans ton truc? Tu commences par le plus soft là. Tu verras. Tu vas crescendo comme le vin? Ah, je le fais au kiff. Est-ce que tu veux de temps en temps qu'on panache un peu avec un peu les miens? Écoute, j'en ai quand même beaucoup. Donc je vais faire deux des miens, un des tiens. Devrais faire la vidéo. Ouais. Comme ça, c'est beaucoup plus drôle. Ouais. Un avis sur celui-là. Viol sur 20, consentement sur 20. Il y a consentement, mais c'est quand même dérangeant quoi, comme truc. Oui, j'ai Ah, mais moi j'ai toujours violé ma tati. C'est pas. Après, ça reste entre amis. La particularité de. Ça fait des flancs. La particularité de ce hentai, du coup, puisque particularité, le mot c'est du hentai, c'est que il y a ce qu'ils appellent de la... Tu l'as pas vu? La... Non mais je m'en passe. Alors, attends, je vais retourner au comics. De l'arabis, de l'arabesque. De la land. Non, arigato. En gros, arigato. Arigato, quoi, t'as arigato, en fait, c'est ce qui désigne les espèces de grimaces de jouissance que tu peux voir à toutes les pages. T'es gêné, mais tu rouges parce que t'aimes ça. Non, c'est quand ils ont genre les yeux qui partent dans tous les sens parce qu'ils sont en train de jouer. Merde. Oui. Qui est très très présente dans... Mais c'est plus facile à dessiner qu'à faire. Parce que... La tati ramasse. Oui, un ramasse de... Ah. Donc ça s'appelle arigao, et donc egao en japonais, je crois, ça veut dire sourire. En fait, si tu veux. Et donc arigao, c'est la grimace de jouissance. Une bonne petite pipe qui s'est bien passée, voilà. Mmh. Bah, après, au niveau du quatrième de couverture, en fait, t'apprends que elle devient la cible de pervers. Donc, c'est un petit peu, ouais, c'est... Mais c'est rien, c'est rien. Oui, parce qu'en fait, la madame en question, son mari est à l'hôpital. Donc elle est pas si satisfaite. Voilà, elle est pas satisfaite. En même temps, il faut bien sûr le filmer. Il faut bien sûr limer la chatte de temps en temps. Elle est sexuelle, et a priori, bon, son neveu, il est quand même bien membré, donc... Ah ben... Enfoiré, Boogie Night. Ah, mais elle lui lâche. Ah, d'accord. La jeune fille sur la plage. La jeune. Mangeage de caca. C'est... Mangeage de caca sur moi. C'est pas un hentai en plus. C'est une Asano en plus. Hein. Oui, c'est Asano. Hein. Allez, suivant. Oui, je commence Asano avec ça. Allez, Virgin Control. C'est plutôt bien dessiné, je crois. C'est spécial dans le dessin, mais c'est plutôt bien dessiné. La tente a l'air plutôt comestible. C'est une tente quechua. Parce qu'on a de tous des tentes. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'elle lui met dans le cul. J'ai l'impression qu'elle lui met un truc dans le cul là, c'est pas bon. Hein. Bon, mais la couverture va pas. Ça, c'est la Switch, c'est hyper convivial. Bah oui, avec consentement. Moi, je dirais 100. 100. Enfin, 100 pendant les 3 premières pages. Après, c'est d'accord. Après, oui, bah, comme toutes les femmes, elles finissent par le. Ah, mais il y a dans l'anus, ça. Moi, je dis, c'est legit, ça. C'est legit. Non, oui, c'est violent. C'est quelques-uns. Ah oui, c'est vrai que les, des fois les proportions sont un peu chelous. Alors, ouais. Jean Control, c'est non, elle, elle a son t-shirt. Là. C'est pas du tout, pas du tout, du tout, ah oui, là, du là, tout là. Le consentement. Ah merde, je vois, tu vois. C'est, chelou, ça. C'est bah, du ouais, viol. Elle est mignonne, ça. Tente, un peu le truc, c'est du viol. Moi, je peux comprendre. En gros, ah bah, elle passe aspirateur. La fille est envoûtée, entre guillemets, donc elle a des espèces d'hallucinations dès qu'elle est dans le. Dans, si elle est dans le train, dans le métro ou quoi. Va avoir une espèce d'hallucination où elle se fait violer par toute la rame de métro, puis donc ah oui, elle se réveille en fait. Mais alors, c'est pas vrai. Voilà. Est-ce que je suis dans la rame de métro au moment où elle a son orgasme, elle se réveille. Ouais, ça veut dire que tout le train lui est passé dessus. Voilà, exactement. Ah, mais c'est flouté. C'est pas oui, c'est censuré. Il y en a qui sont c'est censuré. À noter qu'elle passe l'aspirateur et l'orgasme. C'est censuré. Et donc à la fin de l'histoire, donc le mec qui lui a annoncé cette espèce de sortilège d'engouement va la violer. C'est la poche qui colle. Voilà. Voilà, voilà. Ce qui est beaucoup moins drôle. C'est, qui est c'est pas très très drôle, c'est très très. C'est drôle. Pas très charmant. Non, c'est pas très charmant. C'est pas terrible, terrible. Enfin, c'est spécial à lire. Je les achète pas moi-même, hein, ces trucs. T'envoies ta mère. Tout à fait. Non. Alors, du coup, attends, je. Ah, c'est quand même celui-là. Mieux. Oh, bah ok, il n'y a plus d'amitié. Super. C'est quand même. C'est mieux que le gâteau de Marlon Lidéry. Non, je les reçois par abonnement, l'abonnement Hot Manga. Et est-ce qu'il y a des mouchoirs avec? Donc c'est un abonnement à 20 euros par mois, ou chaque fois qu'il y a un numéro, je sais plus. Ouais. Et en gros, tous les 3 mois ou tous les 2 mois, je sais plus exactement comment ça marche, tu reçois un colis où il y a 4 mangas et il y a des DVD aussi. J'ai pas pris les DVD, ça n'a pas d'intérêt. Mais les DVD, c'est assez. C'est vraiment pas terrible. C'est des trucs en 4 tiers. C'est lequel, tu vois ? Ouais. Dessiné dégueulasse. Et des histoires dégueulasses. Le dernier que j'ai regardé, c'était absolument ignoble. Est-ce que je peux faire ce que je fais de mieux ? Pas me branler, mais est-ce que je peux vous faire de la lecture ? Non. En tout cas, sur Virgin Control, les dessins, quand ce n'est pas de non-couleur, non-couleur, je vais en couleur de mouche, sont assez faibles. J'ai l'air d'avoir chaud. Il a l'air d'être moins violent que celui-là, oui. Au niveau du dessin. Moi aussi, ouais, je... dans l'esprit, peut-être un peu moins. Oui. Je vais avoir un orgasme anal, c'est une belle phrase, je vais avoir une occasion. Et bien évidemment, je sens votre énorme queue. Tu ne le joues pas, là. Je sens votre énorme queue me transpercer de l'intérieur. Mon anus va se déchirer. À noter qu'elle a les cheveux courts, j'approuve. Ah ouais, ça je. Autant sur le premier, les dessins allaient plutôt sur. savoir les oui, ah oui, ouais, non, ça, je pense que ça va beaucoup plaire. Ça les de dessins sur Virgin Control sont quand même assez faibles. Ouais, c'est type. J'en ai pas mal de cet auteur-là en fait qui sont dans la collection. Notamment Virgin Train. Ah bah celui-là, le mec qui jouit. Et j'ai également Virgin Train. Le mec qui trompe les minibus. Parce que bon, c'est le même style. C'est pas. Allez, next! Comment est-ce qu'on peut arriver à finir le manga en une fois en fait? Avec confusion à chaque page, franchement, soit t'as tout lâché, soit t'as arrêté. Ça se dit vite du coup. C'est du one shot. Okay. Soit tu lâches, soit tu vomis. Mais en tout cas, tu peux pas. De le finir en une fois avec une seule main, c'est un exploit. Déjà, tenir un manga à une main. Regarde ça. Je sais pas, on peut. Ouais, non, mais tu fais quoi ton autre main à part la lever en l'air comme ça? On a trouvé la technique. On pourra demander à Philippe Croison. Non, mais comment il tourne les pages? Je vais laisser avec le nez. Je vais laisser Gandalf vous en introduire. Ça dit, il peut pas se. Et l'introduction, c'est ça. Il se fait sauter les côtes. De toute façon, il a déjà plus de bras. Il est pas une côte près. Il est pas une côte près. Ah, je suis handicapé. Ça parle de moi ou ah, mais non, on parlait de Philippe Croison. Ah, d'accord. Bah, t'es, pour te, merci. Pour ah, ouais, te ouais. Ressasier un peu. Je me suis de la tomate séchée. Voilà. 1, 2, 3. Les vaches. Eh, mais pas du tout. On est. Ah non, ça déception dans mon cœur, c'est du Yamato-gawa. Ah, le salaud, je l'ai aussi. Mais je l'ai en français. Ah, mais toi aussi, t'as amené ça? Ah, mais du Japon. Ah, du Japon, carrément. Oui, avec il y avait des DVD de femmes qui faisaient pipi. Oui. Alors, Remember, ça va devenir qu'est-ce qui se passe avec ou sans consentement. After Japon. Ah, alors, oui. c'est quoi le titre? Est-ce que vous connaissez le. Vanilla Essence. C'est celui-là, Vanilla Essence, du coup. On a consacré un quoi qui se passe spécial Japon là-dessus. Il est mémorable. Ouais. Tellement bien qu'il est pas sorti. Ah oui. Ah, non, mais... Il y a 3 heures. Il dure 3 heures et il est toujours pas sorti. C'est énorme. 3 heures. Ah non, mais c'est lui qui a pas voulu monter, hein, parce que c'est une apocalypse. Il n'a pas voulu monter qui? Ah ça je sais pas. Les 3 heures. Ah peut-être avec Guy tu peux le sortir. Cette bande précieuse. Ça fera un peu genre Guy, c'est toujours. Donc avec ou sans consentement, moi je dirais avec. Ouais. Les mecs ils ont des grosses guiboles. Excusez-moi, j'ai rien à manger. Il y a rien à boire et à manger. Du coup, tu penses quoi des dessins de personnes qui fait du vélo? Moi j'y mets. C'est quand même sur les pages non couleur, c'est quand même assez faible. C'est même un français. Du vieux manga. Mais là, si tu reviens sur le premier, c'est illisible. Sur le premier, ouais, t'as. C'est illisible. Il y a beaucoup trop de fluide dans le premier, la profusion, c'est. Ouais, je peux pas. Il y en a un, il a une teub encore, mais elle est arquée, mon pauvre. Le mec, il est hors mal, c'est pas possible. Il est matoparable, c'est pas possible. C'est un peu le maître. C'est pas le visual novel de Nemo. Parce qu'à ça, quand ça sort en France, ça fait des. Il a joué à un visual novel pendant des mois, Nemo. Et puis de qui sur Twitch. Ah oui, j'en ai parlé. Bah, ça, c'est pas pareil. Mais non, c'est pas chez toi qu'il en a parlé, Pépé? Si, c'est possible. Non, il n'était pas passé. Hein. Mais je vois pas celle de la vidéo. Il a dû y faire une allusion où il disait qu'il était fan de visual novel et qu'il avait joué pas mal. Mais c'est pas elle? Bah non, ils sont sur le toit là. La piscine est vide. Ah, mais oui, c'est ça, pardon. Donc la piscine est vide. Oui, c'est vrai qu'elle a les cheveux courts, ça aurait dû jouer. Oui, mais monsieur nettoie la piscine tout seul. Et puis il y a sa copine qui arrive. Donc la question, c'est avec ou sans consentement? Oui, Jonjon, on va te le trouver. Mais bien sûr. Et le mec, il est. Ça fait 3 questions, j'ai un sang en fait. J'ai jamais eu autant de temps. Ah, mais toi, tu dois avoir l'esprit hentai. Toi, le viol, c'est ton rire. C'est son dada. Le mec, il a un truc, mon pote, il doit la démonter en deux. Dans la démonter en deux, parce que là, bon, le mec, il est comme ça. Ça va, c'est pas parce que t'es pas habitué qu'il faut le signaler à tout le monde. On dirait un hameçon, quoi. Le mec, un hameçon, non, mais je rigole pas. Tu seras un saumon, mon fils. Tu seras un saumon, mon fils. Mais je sais pas, il passait le temps mieux, mais moi, j'ai pas oublié. Putain, je me rappelle d'avoir lu. Peut-être chez moi, mais. Toi, qu'on regarde. Toi, qu'on regarde. C'est le même, avec une version française. Est-ce que tu veux du legit? Non. Ça, c'est... Ah non. Donc non. Ça oui, c'est avec consentement, c'est totalement legit. Oui, c'est le maître, il est approuve de by c'est 3 sur 3. Legit. Monsieur le maître Yamato Gawa. Voilà. Non mais il était venu à Japan Expo et tout. Il avait vu. C'est du super un cosplay. Une série de. Bon, après toujours. Graphiquement. Graphiquement c'est dessiné de ouf. Le mec c'est une machine de ouf, c'est dessiné de ouf. C'est pas mal, honnêtement c'est pas mal. Et le pire, c'est que c'était le plus legit. Et tout ça dans le respect. C'est le plus legit de ce que vous pourrez voir ici, là, dans cette chronique. Voilà. Non, mais franchement, là par contre, j'adore. Ouais, franchement, les deux petits traits noirs qui ne servent strictement à rien. Ah, ça cache la misère, rien de voilà. Tu caches l'entrée, tu caches la sortie, mais tu caches pas ce qu'il y a au milieu. C'est mais ça, c'est on voit les mecs baiser, mais faut cacher la quéquette. Faut cacher la quéquette. Ouais, mais c'est un truc que tu peux finir de dessiner toi. La version française n'est pas censurée. Bah j'ai les deux moi aussi. Hein. J'ai tout, il y a Yamato Gawa. Je sais plus. Il y a les petites barres ou pas? Non. Moi j'ai beaucoup aimé quand je l'ai réservé chez mon libraire. Qu'est-ce que vous voulez? Expliquez-moi un truc. Comment vous en arrivez à lire des trucs comme ça? Ouais. Ah non, moi je suis tombé dessus sur les signes d'Entai. Pourquoi pas? Je lis du manga. Vraiment tombé dessus. Je lis du manga, j'aime bien le porno. Pourquoi je lirais pas du manga porno? Non, non, mais. Et le premier truc. Il n'y a pas de procès d'intention, rien. C'est comme on arrive à lire des trucs comme ça. Et le premier. Et je suis tombé une fois dessus, je suis. Mais tu lui dis pas ça en non plus. J'ai pas vu le touche, il s'est rien passé. J'ai regardé le dessin, j'ai fait, mais oui, et j'ai dit, mais mec, c'est bête. J'ai dit, mais regarde comment il dessine, mais je dis, mais c'est fou. Ensuite, t'as le best-of des plaidoiries du porno. Voilà. Là, par contre, je me suis branlé devant les spectacles. Là, j'ai tout mis. Spectacle d'Arthur. Là, par contre, j'ai tout mis. Après, j'ai tiré la chasse, par contre, mais j'ai tout mis. Ah là, le truc de mouchoir, il est passé. Ah, j'en pouvais plus. Donc, qui c'est qui a fait un sans faute jusque-là? Jean-Jean. On est bien. Prison Collection. Non, sans consentement. Oula, avec prison dedans, ça sent pas là. Ouais, ça sent pas déjà, là. Vu la vulve. Peut-être que vous tu l'as vulve peut-être verra, que, vu. Que vous avez, c'est dommage qu'il n'y ait pas de femme autour de la table. Peut-être que vous avez. Ouais, c'est dommage. J'aurais bien aimé faire ce dossier avec une femme autour de la table. On leur fera, c'est pas grave. Peut-être que le dessin que vous avez tilté, c'est le même dessinateur que le dessin. Je te vois arriver. C'est exactement. J'ai regardé. C'est le même dessinateur que ça. J'appelle Mathilde. Si je lui dis qu'il y a du cœur à venir. Donc oui, non, c'est pas du tout consenti, c'est une fille qui se fait enlever et séquestrer par un mec un gros dégueulasse après son lycée. Ah, je pensais un gros chibre. Il se fait violer dans la cave avec... Ouais, un peu genre dire la fameuse scène très célèbre de ce manga avec la casserole à caca. Voilà. Quoi? J'en dirai pas plus. Casserole à caca. Je sais pas s'il y avait un truc. Yeah, putain, le niveau de cette émission. Eh ben, ah, mais c'est le troisième. On dirait du CVT, hein. Donc. Ah non, quand même pas. Je crois que là on est arrivé sur le plus dégueulasse. Attends, ouais, je sais pas ce que c'est ta chronique. Je sais pas. Ah bah, c'est dans la même veine. Je sais plus où c'est. Est-ce pas que grave, c'est je vais mais, trouver moi. Mais il y a la casserole à caca. D'accord. Le monsieur récupère le caca pour transformer. Il fait des trucs avec. Il fait à manger. Du coup, je sais même pas si je vais avoir envie de chercher. Indémodable. Ouais. Moi, je vais chercher la casserole à caca, ça m'intrigue. Allez, next. Je l'ai pas censuré. Next. Hop. Allez, on va changer de sac. Attention. Dans la besace, il y a. Ah, bah celui-là, monsieur Azertov. Casserole à caca. Ah, merde. Casserole à caca, le film. Ouais, deux. Hop. Love on the job. Ah, bah oui. C'est lui qui a un CDI. La stagiaire. Donc, c'est ça, la stagiaire non, qui veut succéder. C'est ça, avec. Et qui te suce comme tu dis. Oui, c'est une série en trois tomes. C'est. Elle a l'air contente. Moi je dirais avec. Consenti. Et que j'ai fait lire à monsieur Azertov. C'est consenti. Est-ce que les pages collent? Bah, vous voyez ma tête. J'ai dû lire trois tomes de ça. Ah, donc c'est donc consenti. Si, mais. Enfin, oui, c'est consenti. Mais Tom, c'est pas ça. C'est consenti, mais c'est. Enfin, tu tournes une page, je fais. Il y a une scène de sexe. Ça a quoi rapport avec l'histoire mais... soft, ah, c'est soft. Ah oui, c'est soft. Oui, c'est, soft. C'est, l'histoire, c'est l'histoire d'un couple en fait. Et ils sont mais justement, il y a eu rapport, c'est ça en fait. Ils sont chacun embauchés dans leur nouvelle boîte. Ils viennent de trouver un taf, ils sont super contents. Sauf que c'est deux boîtes concurrentes et que la politique des entreprises les empêche d'avoir des relations avec la boîte de. Mmh. Avec l'autre boîte. En fait. Ah, mais ils ont des relations. Dans l'histoire des deux boîtes, il y a une histoire d'espionnage industriel. Donc, ils s'emboîtent. Voilà, ils s'emboîtent. Entre une relation entre personnes. Entre deux boîtes, ils s'emboîtent. Deux boîtes. Ça déboîte dans la boîte. Donc c'est pas top. Hein. Enfin, moi j'ai pas. Ouais, c'est gentillé. Ouais, moi j'ai trouvé ça sympa. C'est la série qui. Ouais, il y a plus de deux pages sans que ce soit dégueulasse. J'ai une autre série de la même auteure, parce que c'est une femme qui a écrit ça. Et la deuxième série était beaucoup mieux. Par contre, je suis allé au Japon, niveau melonnage, c'est quand même un gros mensonge. Attends, je... les meilleurs melons sont un camaillon. Les petits sont plus mignons. Tu dis ça en connaissance de cause. De toute façon, il faut que ça tienne dans la main, c'est tout. Voilà. Après, trop, c'est du gâchis. Ouais. Trop, c'est du gâchis. Passer les 12 ans, moi j'arrête. Hein. T'as des petites mains? J'ai des toutes petites mains. Après, ça reste très bien dessiné. Je crois que t'en as fait deux, non? Ouais, tu peux y aller. Allez. Après, ouais, c'est pas mal au niveau de alors, alors, c'est diffusé dans Manon. Les bleus des filles, super. Popopo! Attache-moi. Consentement ou pas consentement? Ah, pas de consentement. Ah non, j'ai. C'est un japonais, mais c'est japonais. Ça sent la prostitution quand même. Ouais. Ah non, ça sent. Oh, vous l'emprisonnez! Tu vois que la banane, elle lui manque des morceaux. Ouais, mais le genou ouais. Aussi, hein. Moi, je dirais ça. Amputation School ou un truc comme ça. Ouais, ben justement, en fait, c'est un peu un sort de. C'est un sort d'anthologie, c'est un peu comme ça, tu vois. C'est un hybride. En c'est fait, il y a un peu de tout. Story. Parce que, en fait, maintenant je vais retourner. Ouais. Et je vais vous demander de regarder que le quatrième de page. Voilà. Voilà. Il n'y a pas les deux. Il n'y a pas de couverture alternative. À un moment, une image qui doit quand même un peu t'interloquer. C'est les morts. Les morts dans le. ne dis rien aux amis. Ne dis rien aux amis. Il y a une image qui doit un peu t'interloquer. Pour les amis des bêtes. Ouais, c'est la fameuse. C'est le chien ou les vaches. Les deux sont dans le même. Les deux sont dans le donc même. Le chien et la vache, ouais. Ouais, consentement. Et on voit dedans ou pas? Ah, mais elle se fait tiquer par le chien. Oh Non, je l'ai déjà lu. Je pense qu'on est en train de pousser le bouchon un peu loin. Je l'ai déjà lu pendant quoi qu'il se passe, celui-là, c'est bon. T'as même pas pris une chance. Spoiler. Ah non, y a pire. Ah, oui, c'est pas le pire que j'ai dans mon. Ah, le dernier, j'attends. Je crois que pour le numéro 69 de Yata. J'avais fait une recherche justement sur les trucs hyper corps, il y avait une histoire de cochon aussi. Oh, mais c'est pas mal ça. Cochon land. Cochon land. Cochon de guerre. Je le filme. Ah putain, il était bien. Mais oui. Donc voyons. C'est dessiné de dingue, toujours. Hein, ah, c'est bien. À la fin, du coup, il y a mais franchement, Philippe Croison, à la fin, elle veut dérouiller. Hein. Ah ouais, elle aime la chose. Il refuse de lire quoi que ce soit. Ah, c'est franchement, consenti. Techniquement, ah, mais en fait, Philippe Croison, elle y va. Les empreintes là-dessus. Elle ramasse en plus. Moi, ça. Je préfère le réel. Aux frontières du... Là, on est aux frontières du réel. C'est dommage parce que c'est tellement bien. Ah, t'as vu, regarde là, il a envie de faire la boîte à. Non, non, pas la boîte à caca. La toucha. Le côté à la fin. Je supporte pas. Elle a bien kiffé, ça salope. Mais si t'enlèves ça, je trouve qu'il. Elle a pas de bras. Bah, je sais pas comment c'est démerdé. Mais le peut-être méfier, tu sais pas. Il y a des gens qui. Justement, le principe, c'est de se moquer des. Par contre, il y a qui me plaît moins. Elle a les cheveux courts, mais fait de l'anal par défaut. Il y a des fois. Parce qu'ils sont plusieurs, en fait. Mais c'est. Non, c'est pas. Mais ouais, c'est un peu décevant. Ergir. Leur Ergir, donc c'est le studio, enfin le collectif qui fait ça. Alors qu'elle, elle a de l'argent, tu vois, au début, ils faisaient du hentai. Hentai et chi, très poussé. C'est dégueulasse. Vas-y, Toche. Non, c'est simplement qu'il y a deux conversations en même temps et ça doit pas être très simple à écouter. Exactement. Mais après, cool, j'en ai parlé dans le dernier. Asto, fais-toi respecter. Et c'est vrai qu'il y a un très fort côté. Il respecte déjà pas son conducteur. Moi, ça me fait marrer. Moi, non, justement, ça me sort de genre le passage qu'il y a eu récemment où ils sont dans la prison et ils finissent par faire une 69, ça m'a fait exploser de rire. Je vais finir par te les voler. Le passage de. Enfin, le principe du mec qui fait l'éléphant SM. Le principe super drôle. Oui, oui. Parce qu'il y a des trucs où ça va très très loin. Mais ouais, il y a toujours ce gros plan à un moment qui me sort du truc. Hein. Alors, la suite. Wife Swapping Game. Oh là. Oui. Consentement. Avec consentement. Avec. Putain, c'est des loulous de l'espace. Hein. Ouais. Je dois avoir... J'ai le 2 aussi. Wife Swapping. Est-ce qu'ils sont plus gros les nichons dans le 2? Parce que c'est une sorte de. Attends. D'allégorie du. D'allégorie du 2. C'est la suite donc. Ah, par contre, les dessins ne sont pas des massants du tout. Hein. Bah, moi non plus, tu vois, les dessins ça me. Ouais, je me méfie. Ah, est-ce que j'ai pris le 2? Ah, pas réaliste. Pas réaliste. Bah, les autres non plus. Bah, les en étaient-on en termes de plastique, sincèrement, je préfère. Pour avoir vu des femmes, je préfère les premiers qu'on a vus. Ah oui, les précédents. Celui-là, il est pas. Celui-là est un ton en dessous graphiquement. Ouais, c'est bizarre. Est-ce que je l'ai pris? Ouais, il est là. Ah, elles sont... Je vois de la joie quand même. Bonjour les hirondelles. Non, c'est pas tellement consenti, non. Ah ouais? Non, pas tellement. Ah ouais? Ah, mais vu les petits sourires là, un peu. Ouais. Non, ah en gros, Wife Swapping Game, hein, c'est des couples qui testent leur fidélité dans un jeu où ils doivent passer 24 heures avec un autre partenaire. Voilà, c'est un peu ça, sauf que c'est totalement monté. On a échangé nos mamans. C'est une espèce d'émission totalement montée, donc la meuf se retrouve avec un mec qui la viole, et le mec se retrouve avec une meuf méga bonne qui se la tape direct. Et bah en même temps, il lui propose, il dispose. Hein. C'est qui les plus déviants? C'est ceux qui dessinent et qui font des scénarios comme ça, ou ceux qui les lisent? Ceux qui se passent quand sur le livre. Elle est pas d'accord, elle est d'accord. Les plus déviants, alors, c'est ceux qui sont comme ça. Mais oui. Mais c'est comme ça que c'est amené aussi, même dans les elle est plus que d'accord. Dire Team Control et Prison Collection et tout, c'est. Elle est pas d'accord. Non, mais attends, regarde. En fait, t'aimes ça. Et puis. Mais viens tranquille. Quand même plus tard, t'as l'impression qu'elle est d'accord. Mais en fait, non. Là, il y aurait une fenêtre. Ah, t'es pas d'accord. Arrête. Attendez, je fais le bruit du consentement qui passe par la fenêtre. Ouais, les dessins sont pas ouf. Non, ouais, c'est le bruit du consentement qui passe par la fenêtre. C'est pas la folie, quoi. Non mais moi c'est ce viol tranquillou là, ça me... Il y a un temps de GHB. Ouais, mais oui, Émile Louis, tout ça, les gens qui sont violés dans la forêt, c'est dégueulasse. Des fois c'est un peu dérangeant. Des fois. S'il n'y a pas d'anal, c'est pas génial. Hein. Putain, le mec c'est pas une langue qu'il a, c'est Jane Simon quoi, c'est pas possible. Il doit y en avoir parce que vers la fin du tome 1, ça part en cacahuète et ça part en gangbang à la fin du tome 1. Donc, faut l'arrêter lui. Ah oui, là tu peux pas. Sur la piste, là il est sur la rocade, c'est fini. Ouais, moi j'appelle les flics, hein, mais il faut soigner. Là il est sur la rocade, tu l'arrêtes plus. Ah bah là on est sur un beau pavé. Ah oui. Ah oui. Là il y a du donc, pavé. Donc Virgin Control, toujours le même auteur que Virgin Train et. Non, là c'est Virgin Train. Le même auteur que Virgin Control et que Prison Collection. Avec sa main. Donc, sans consentement. Pas du tout consentement. D'accord. Elle est pas jolie la dame. Non, bah c'est une madame qui prend le train et qui se fait violer à peu près tous les jours. C'est génial. J'espère que le c'est vraiment ces histoires. Hein. Je te jure, ils sont vraiment pas mieux. Ouais, non, ça c'était pas. Mais c'est long à lire. Parce que on rappellera que le credo de la SNCF à une époque c'était laissez-vous prendre par le train. Ah bah elle, oui, le train l'a pris. Ça, je vais retrouver l'affiche. Je vais retrouver l'affiche. Peut-être elle avait sa carte Kiwi, je sais pas, et allez. Donc on va vite passer. J'ai le tome 2 à la maison, j'ai pas encore lu parce que j'ai pas envie. Parce que t'avais pas. Est-ce que tu l'as lu en entier au moins celui-là? Oui. Mais pas, je crois que j'ai pas lu en une seule fois parce que. J'avais pas envie quoi. Je crois que c'est à moi, non? Oui, c'est à toi. Ça arrive par la poste, c'est ça? Oui, je pense que ça par la poste. Ah, mais le jour où tu te fais piquer un colis, le gars, il sait pas sur quoi il est tombé. celui, tu n'as pas vu les DVD parce que. Je demande, en fait, le premier je demande l'attention. Le premier qui devait être livré par UPS, il n'est jamais arrivé. Tous les autres sont arrivés, mais alors en temps et en heure. Ah, c'est ce nom-là, non, ouvrez pas. Ça n'a rien. Il n'y a aucune valeur. Exactement. Chers sociétaires, chers invités, chers amis. Cette fois, je demande vraiment votre attention. Dis pas trop de conneries. Ah putain. Non. Oh non. Ah ben là, ça commence à devenir rigolo. Alors juste pour expliquer la réaction, faut quand même admettre que ce qui nous sort comme couverture, c'est que ça ressemble à une gamine qui doit pas avoir 10 ans. C'est pas parce qu'elle est rasée. C'est en étude. Et qu'il y a une tache de morve. C'est pas parce qu'elle s'est rasée. Voilà, oui. Quelqu'un lui a éternué dessus un peu trop fort pendant qu'elle était à poil. Elle mange des chips par contre. C'est vrai que et je vous laisse regarder. Oui, voilà, c'est tout. C'est parce qu'il fait froid. En hiver, on s'habille pas comme ça. Qui veut, ouais, je crois que Tocheux, il a l'âme un peu. Non, moi, c'est le graphisme que je veux voir. La vitesse où je les passe, franchement. Pour l'avoir feuilleté pendant le quoi qui se passe, le délire, c'est que souvent, c'est des recueils d'histoires courtes. Mais là, non, c'est tout le temps la même gamine pendant tout le tome. Il se fait étrangler. Sauf à la fin, je crois. Là, je valide pas, non. C'est pas possible. Même en passant, je sais pas, il y a quoi, y a sauf à la toute fin, où elle est encore plus jeune. Il y a une fille encore plus jeune sur le dernier tome. Je veux pas savoir. Il y a 70 pages, j'ai même pas eu le temps de regarder première page du dernier chapitre. Il y en a partout, non. C'est une gamine qui est. C'est comme les poupées gonflables de gosses. C'est pas mon désir. Là, par contre, ces gens-là, faut les faire interner. Les poupées gonflables de gosses. Ah non, mais moi, j'ai ramené. Ça existe, hein. Et le mec parlait dans un CVT, tu sais, des poupées, oui. Une allure de 15 ans. Mais le gars disait, je préfère qu'il viole ça qu'une vraie gamine. En fait, le problème avec ça, c'est que en fait, quand il te les vend. Dans un sens, ouais, mais c'est parce que tu pars du principe que le gars un jour va vraiment le faire. Et autant qu'il le fasse avec une poupée. Oui, la première page où tu le vois, il est en train de venir sa mère. Ouais, je comprends. Coucou maman. Faut pas que ça soit un jour. Dans ce sens-là, c'est moi. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas le plus. Non, après, il est l'autre soir, du coup. C'était le plus dégueulasse. Celui-là, c'est le plus dégueulasse. Non, celui-là, c'est vraiment horrible. Non, mais ça, c'est immoral. Ah oui, non, mais heureusement qu'il est un japonais. Là, il y en a qui ont brûlé des livres. Honnêtement, moi, tu m'allumes le poil là. Et au Japon, c'est considéré comment ça? C'est pas interdit, c'est toléré. Bah, en fait, si tu veux, tous ces vendus que j'ai achetés, ils sont vendus sous ces lots. C'est pas la même culture, donc. Ils sont vendus sous ces lots et je rigole pas. Parce que je voulais ramener un manga avec un truc de gosse. Parce que qu'ils avaient ça là, tu vois. Et même là-bas, ça commence à être un peu. Toi, ça commence à être un peu mal vu. Ouais. Et j'en ai vu avec des couvertures, mon pote. Et si tu veux, dans la rue là-bas au Japon, quand tu te balades, tu vois les gosses de maternelle, ils ont une espèce de petit chapeau jaune là. Mmh. Tu rentres dans le truc de cul. Et tu vois les petits gamins avec leur petit chapeau jaune dans la couverture avec des gosses, mon truc. Je suis resté là et je vous dis, celui-là, c'était la couverture la plus soft. Et j'ai eu la surprise qu'à l'hôtel, je l'ai ouvert, je fais bon, mais je vais voir ce qu'il y a dedans quand même. Là, j'ai fait. C'est à dire que là on est tombé dans la plus grosse déviance. Est-ce que là-bas il le vit autrement? Ah, mais ça je sais pas. Oui, c'est normal, ça commence à être vraiment assez mal vu. Le délire des Japonais, c'est pas les tentacules, c'est l'inceste. Ouais. Bah oui. Voilà. En termes de pornographie, le délire des Japonais, c'est plutôt l'inceste. On va peut-être trouver des jeunes Japonais. Attends, on est sorti de sa maman, on veut juste qu'il rentrer. Ça va être ça. Des noirs, des Japonais, après tout, tu sais, on peut tout trouver là. La troisième de couverture, c'est Christine Boutin, la Japonais. Là, oui. La quatrième. Ah, parce qu'il y en a. La petite. Là? Ah, oh, j'avais pas! Oh mon dieu! Tu es sur le côté avec le petit dégoulis. Ah, bah le monsieur, il a fait le plein, hein. Il est chez Total et puis. C'est une autre culture, on dira. Non, mais je pense qu'on va se consoler. C'est une culture que j'adore de base. On va éluder le sujet en disant que c'est une autre culture. Même si c'est pas bien d'éluder. Et les mêmes, on fait zéro. Culturel, on peut pas juger. Ah, tu sais qu'il y a mangé une glace. Pas les mêmes, les mêmes. Là, c'est plus un grand écart, c'est une ventouse. Faut bien payer, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça? I am pure and innocent in limit. J'y crois. Voilà, ça, c'est sans consentement à 100%. C'est avec consentement. Moi, je le sens là. Je sens qu'elle a envie de se faire un peu tringler là. Un petit peu viril quoi. Ça, elle a des yeux qui crient, fais-moi mal. Voilà, c'est habillé chaudement pour l'hiver. On voit bien que. C'est effectivement avec consentement. Merde. Ouais. David a un point. Oh. C'est un bon. Je te le mets. Sauf une histoire. en fait, la moitié du hentai, c'est donc l'histoire I am pure and innocent in injury. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui aime bien se masturber et qui est amoureuse d'un mec. Et ce mec accepte de sortir avec elle. Et donc, bah, ils sortent ensemble et puis ils font l'amour. Et puis voilà, c'est bien. c'est très sympa. Et ensuite, la deuxième moitié, c'est des mini-histoires. Et dans ces mini-histoires, il y en a une où c'est plus un mec qui viole une fille qui est un petit peu jeune. Donc ça, c'est un peu plus dérangeant. Mais le reste du tome est très, très, très bien, très sympathique. Donc celui-là, je peux vous le recommander. Vous aviez déjà fait justement une chronique sur le développement du hentai au Japon et leur coutume sexuelle. Pourquoi c'était comme ça et pourquoi ils acceptent et pourquoi c'est normal. Non. Je sais plus où j'ai entendu, alors c'était sur... Mais je sais qu'on en a parlé. Ça dit quelque chose. Hein. Mais je sais plus si on en a parlé en off ou dans un truc genre le quoi qui se passe qui n'est pas sorti sur le Japon justement quand on parlait de ça, mais... Celle avec la gamine et la toute dernière où la fille appelle le mec cousin au début de l'histoire et à la fin elle appelle grand frère. Il y a peut-être un souci de traduction, enfin ouais. Il s'est passé un truc dans la traduction où c'est un peu gênant. Alors on connaît quelqu'un. Ouais, mais ça plaira à ça plaira à Gandalf parce que c'est une histoire de sodomie donc. Le monsieur il voit pas. Le monsieur il dit qu'il comprend pas. Ah mais il est arrivé Carmen. Je sais pas, j'ai pas le chat. Je commence à avoir une sacrée pile de hentai devant moi donc. Secret Playing of Raika. Secret Consenti Playing of Raika. Ouais, consenti. Ouais, allez, on va dire oui. Alors, en fait, il faut lire le. Hop, ce qu'il y a à la fin de la postface. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas de personnage masculin dans ce hentai. Il n'y a que des filles qui font des choses avec... Non, mais alors à ce moment-là, oui, c'est consenti, si tu veux. Mais en fait, Secret Playing of Raika. Raika, c'est un jeu qui date des années 90. Et donc, en fait, ils ont repris des personnages de ce jeu érotique des années 80-90. Et ils en ont fait des mini-histoires. Donc, c'est des jeux qui sortaient à l'époque sur Atari, des trucs comme ça, si tu veux. Donc, il y a je ne sais plus combien il y a de personnages... Raika qui date de 1994, de nouveau Raika 2000, Raika 2 2005, Raika. Mais à chaque fois c'est de nouveaux personnages. Hein. Raika RPS en 2010, Kuzua RPS en 2010, Otokoma RPS en 2011. C'est des productions amateurs indépendantes en fait. Des trucs indépendants et donc à chaque fois. Le running gag, c'est une espèce de pierre-feuille-ciseau où la fille perd et donc elle se fout à poil et il se passe des trucs. Non, c'est pas violent-violent, quoi. Non, c'est pas violent-violent. Après, c'est pas... C'est un peu... Les dessins, ça fait très vieux. Bah, en même temps, quand on regarde la coupe de celle-ci... Ouais. Voilà. Ouais, c'est des trucs qui sont basés sur des jeux vidéo des années 90, quoi. Donc, c'est lié au truc. Donc, voilà, sous le Moyen-Âge. Y a pas de personnage masculin... Bah, il n'y a que les membres en fait, si tu veux. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Donc, il n'y a pas Philippe Croison. Ah. Moi, j'avais un manga, Philippe Croison, finalement. Je sais pas, il t'en reste encore beaucoup, toi ou pas? Hein? Il t'en reste un? Je vais encore en faire un peu. Alors. La jaquette avec un Philippe Croison dessiné, moi, je rêve de ça. Ah, bien sûr. Consentement ou pas? Bah, bizarrement, je dirais non. Ah, est-ce que le consentement, c'est que physique? Ah, d'accord, c'est normal, tu vois. Ouais. Ah! Non, c'est tout ou pas? Pourtant, on avait dit pas le physique. Yume Beach. Sans. Non. Sans consentement. Alors avec. Non. Avec. Oui, c'est avec consentement, puisque c'est la même auteur que celui-ci. Gandalf. Non. Que Gandalf, non. Que donc là, c'est j'aurais pu dire David. C'est vrai. Donc c'est Yuko Onami. Et donc c'est une série de mini-histoires il baise. Basiquement, il baise. En même temps, je crois que c'est le thème récurrent depuis voilà, le début c'est un peu du thème. C'est consenti et c'est c'est pas le même auteur que celui-là, pardon. C'est le même auteur que l'autre qui est encore dans le sac. Qui est le troisième où c'est pas mal. Les autres, c'est un peu trop du viol, c'est un peu trop nul. Mais. Celui-ci. Beaucoup de consentement. Il y a quand même beaucoup de consentement finalement. Moitié, ouais. Moitié. Moyen, même quand il y a du consentement, c'est pas toujours top. Honnêtement, à part ces trois-là, donc à part Yomi Beach, donc I Am Pure in Saint Elin Shuri, et encore certaines parties sont pas ouf, et un troisième, il n'y aura pas grand-chose à garder de ce que j'ai reçu par les colis Hot Manga. Et puis vu la qualité des DVD, vaut mieux les faire soi-même. Ouais. le dernier que j'ai regardé, c'était Professeur Payne, où c'est l'histoire d'un professeur de chimie qui fait péter un lycée, sauf la classe dans laquelle il se trouve, pour faire des expériences sur les gens qui sont dans sa classe. Donc bah, il se passe du viol, mais puis du viol, et puis re-re du viol. La fille qui s'est fait violer, qui est devenue complètement psycho, qui pique le détonateur au prof et qui fait péter le lycée, donc tout le monde meurt. C'était génial. Autre-moi d'un doute, il n'y a que chez eux qu'on trouve ces scénarios, c'est profondément ancré chez eux, ou on arrive à en trouver ailleurs dans le monde, je sais pas. J'en ai d'autres qui sont vachement plus tordus, j'en ai un DVD, j'ai absolument rien compris à l'histoire, tellement c'est tordu, c'est pas n'importe quoi. C'est tordu quand même très très particulier. C'est tordu du cul. Ah ouais, non, il y a des trucs, c'est complètement ouf, quoi. Waouh, les mecs, vous avez réussi à faire 3 épisodes là-dessus, quoi, j'ai rien compris. En 3 épisodes, j'ai rien compris. Donc, tiens. Pas que dans ce domaine, hein. Dans le cinéma ou la série, ils ont des trucs complètement en barge. Quoi. Hein, c'est... Ils voient pas la vie comme nous, ils ont pas les mêmes yeux. Mais ils ont la tête en bas, mais eux ils collent. Et eux ils tiennent. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Island of Luxury. Of the Luxury. Non consenti. Non, mais j'irai consenti sur celui-là. Non, je peux pas me planter. Hein. Ça, c'est mon questionnaire aujourd'hui, je peux pas me planter. C'est la fin de la session de risque. Tu vises le sans faute, c'est ça? C'est la fin de la session. Moi je dirais avec un sans faute. Ah, quoique. Une île. Non, sans consentement. Ça sent le kidnapping. Ouais, ça sent le kidnapping. Ouais, carrément. C'est totalement sans consentement. Ouais, ça sent le paradis pour curer, ça. En gros, c'est des gens qui. Il y a une espèce de crash d'avion. Tu la vois, Macroix. Crash d'avion ou naufrage de bateau. Je sais pas, c'est pas Macroix. Comme la statue. Non, c'est naufrage de bateau. Exactement, pareil. Naufrage de bateau, et en fait, tu vois un groupe, je crois que c'est deux filles qui essayent de trouver de quoi survivre sur cette île, et en fait elles vont rencontrer un groupe de mecs, et en fait c'est, je sais pas combien ils sont, mais tous les mecs se sont regroupés, ils ont récupéré tous les livres qu'ils avaient pu choper en fait du naufrage, donc c'est eux qui ont tout, et donc bah ils vont abuser des filles pour, mais du coup c'est de la prostitution, donc c'est à moitié ouais, non mais c'est du viol quand même, parce qu'elles sont pas très c'est du viol, c'est dans la bang. Pas le choix de se prostituer. Voilà, donc au début, il y a juste deux filles, puis après, il y a une mère qui arrive avec sa gamine de 12 ans, donc il y a un même tarif. Ça, c'est vraiment des trucs qui arrivent qu'aux autres. Hein. Puis, il doit y avoir une relation consentie quand il y a un mec qui arrive et qui délivre les deux filles du début. Du coup, pour le remercier, bon, ils font des trucs. Toche, là, t'es pas très loin de la plage. Mm. T'as jamais vu deux gonzesses arriver en disant on a faim? On a faim, en on a faim. Non, même au porge. Ça arrive qu'aux autres, ces machins. C'est pas violence, tiens, point de guerre. Non, par contre, si tu veux des gens chelous, tu vas sur une plage naturaliste. Ouais. Tu vas avoir plein de propositions. Ouais, non. Ça dépend où, parce qu'au Forge, voilà. Nous on y va et. Donc pas c'est. On s'est pas connu ça. Donc c'est. Je suis pas. Tu vas à la lagune, tu vas au Forge, non, t'es pas emmerdé. Voilà, comme ça on sait où Toche va aller cet été. Mm. Ah, mais j'y suis tous les étés. Cul nu. Vous avez toujours rêvé de voir le cul de Toche. Il va aller se mettre cul nu dans l'eau et puis. Si vous voulez voir mon cric. On va le mettre dans le planning podcast, on va mettre quand tu vas cul nu à la plage. Même moi le matin quand je me lève, c'est une nouvelle version de Pokémon Go. Ce soir, podcast science, c'est Toche tout. C'est une nouvelle version de Pokémon Go. Allez, chassez-moi. Toche Toche. Et ça va jouer. Celui qui fait le plus de photos dans la journée a gagné. Donc voilà, Island of Luxury sans aucun consentement et avec du gangbang de la gamine de 12 ans qui se fait gangbang à côté de sa mère qui se fait gangbang aussi. Ouais, mais ça, c'est l'esprit Podrez. C'est l'esprit familial. Comme tu es dit, tu es un j'ai trop. Mais trop. Pas dire ça. Le texte est génial. Non, mais le texte est génial. Les jours comme tu es courageux. À gauche. J'adore. Moi, je lis tout, tu vois. Ah, moi, j'ai lu tous les tomes. Hein, tout ce la photo finale. Je les ai lus. Oh, tu as droit un petit pain, Marine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, et Revan a fini ses radis. Ah, ah, la revue. Ah, bah maintenant, t'as plus qu'à manger du céleri. Parfait, maintenant, on éjacule tous sur son visage pour la photo finale. Ouais, super. Elle a bonne franquette. Hein. Oh, bah, elle a très bonne franquette. Dans les radis. Bon, c'est fini, là, qu'on passe aux super questions. Tu noteras que les premiers bouquins ont très vite circulé, mais ça s'est très, très vite arrêté aussi, finalement. Ça, c'est le gosse. Hein, ah ouais, le gosse, là, ça a tout coupé. Une terre de passer aux questions des invités. Il y a un trop plein. Ça vous dérange. Je te laisse faire ton dernier. Oh, mais moi, mon dernier, il est. Oui, il est juste. Il est pas gênant. Je pense que c'est très gênant. Non, c'est bon. Ah, bah, Naruto. Est-ce que vous êtes venus ensemble? Même bagnole. Si les flics vous arrêtent. Ah, t'imagines? Avec entre les bouteilles et ça. Bah, les bouteilles, non. On se met même pas de les bouteilles. Oui, mais à la. Moi, il est le juge. Bah, là, on a des bouteilles. Il y a que lui qui avait trois bouteilles. Oui, c'est ça. Il y a marqué sexe sur le truc. Bon, oh, ça veut dire quand vous avez des yeux un pervers, ça, là, les cagoles, là. Il m'en reste combien là. Oh, les cons. Ah, parce que t'en as encore. Bonjour, gendarmerie nationale. Qu'avez-vous dans votre voiture? Qu'avez-vous à déclarer? Bah, alors, non, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Alors, consentement ou pas consentement? J'ai un petit jeu pour. Eh, ça tombe bien, j'ai un quiz, mais je savais pas trop si je pouvais le présenter ou pas. Vous avez une fille, monsieur l'agent? Oui, regardez. Voilà. À quel âge? 12 ans, bah tiens, comme par hasard, regardez ce qu'il faut. J'ai son bouquin. Elle a une petite soeur? Vous savez qu'elle a écrit une biographie. J'ai son journal intime, regardez ça. Ça, tout c'est illustré, hein, parce que c'est plus écrire. Je me souviens pas trop de celui-là, tu vois. Il m'avait moins perturbé que les autres, donc il m'a moins marqué. Ouais, il était moins, il est un peu pas beau. J'en suis rendu à un point que je me dis que je vais peut-être attaquer la première. Ouais, il est un peu beau. Oh putain. Ça, c'est histoire de. Ah ouais, juste histoire d'oublier, je crois que je vais attaquer la première. On va goûter le whisky sec. Ça y est, je l'ai goûté. D'ailleurs, on va faire une. Non, on a fini avec. Ouais, il m'en reste deux. Alors, on va juste faire une parenthèse là, sur le whisky. Il est bon. Mais je vais pas goûter. Qui est juste magnifique. Mais moi, j'ai clairement plus assez de palais pour l'apprécier. Bah ouais. Il aurait fallu que tu prennes un verre d'eau. Ok. Je veux bien. Ouais, je voudrais bien goûter demain. Gandalf, est-ce que tu peux rappeler le whisky, s'il te plaît? Alors, c'est du Togushi, c'est du Japanese, blend whisky, et ça vaut une quarantaine d'euros, si je me rappelle. Japanese. Du Japanese. J'adore ce lapsus. Très sincèrement, pour ceux qui aiment le whisky, qui aiment découvrir les trucs, pour 40 euros, ouais, ça a l'air d'avoir, comme dirait mon ami Loli, allez-y. Déjà rien que la bouteille, elle est classe. Ouais. Le bouchon doré, je suis pas fan. Ouais, moyen. Ouais, c'est pas très bon. Ouais, après, c'est pas le bouchon hein, que tu. Non, mais là, je trouve que la bouteille, il y a quand même énormément d'importance, ça. Ouais, ça fait partie du genre. Une bonne bouteille de saké à la maison, j'ai pas osé l'ouvrir tellement. Saké de Saito. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, nous, on a. J'avais acheté une saké plutôt de bouche à teigne. Donc c'était pas mauvais c'était GS. Par contre, le dessin a l'air au-dessus des autres. Allez, pour en finir avec ce dossier, il m'en reste plus beaucoup. Donc, My Good Boy. Oui, non. Sans. Non. Avec Avec, oui. Ah, quoique. Non, moi j'ai sans. Avec. Pour moi, ça fait partie d'un jeu, vu la jaquette. Mm. Effectivement, c'est avec ton consentement. Donc c'est celui-là qui est de la même hauteur que. Que I'm Pure and Innocent. Donc là, c'est totalement consenti. C'est. Du sexe SM un peu a priori pas forcément, c'est surtout pour la jaquette qu'ils ont fait ça. Après voilà, c'est en gros c'est la fille de la première histoire qui est une espèce de fille de famille riche et donc qui fait un peu semblant d'être malade pour que son son majordome, enfin son le mec qui s'occupe d'elle là, qui a à peu près le même âge qu'elle, vienne un peu à son chevet et en fait elle aime bien se le taper. En gros, c'est ça. Voilà. En gros. Ouais, en gros. Globalement. Histoire classique. Enfin, il reste un trait commun. Globalement, ça baisse. C'est du classique dans l'anglais. Visuellement, ça reste quand même assez dur. Hein. En tout cas, c'est des relations consenties, donc c'est déjà plus agréable à lire que des trucs. Globalement, ça baisse, c'est ça. Résumé habituel de tous les bouquins qu'on vient de voir. Ouais, voilà, ça baisse. J'aime bien quand tu peux faire résumé, parce que c'est toujours direct. Donc, je dis, parce que c'est. Trois mots, globalement, ça baisse, c'est fini. Ouais, mais ça fait partie de l'abonnement. Ouais, les seuls c'est que j'ai pas eu par abonnement, c'est pas très français. Tu vois, on n'est pas forcément des habitués très à cheval sur le respect ou quoi que ce soit parce qu'on pense à la légère, mais là ça reste choquant quand même, il y a des basiques à respecter. Ah ouais. C'est des hentai que j'ai acheté moi-même en fait. Tout le reste, voilà, c'est des, tu vois, c'est un pilote. T'es un hentaios nativos. Un hentaios. Un hentaios. Est-ce que les piles sont épuisées? Oui, et même nos piles sont épuisées. Il y a un reste. Ah putain, il y en a encore. C'est le dernier, c'est le dernier. Mais ils étaient pas dans le sac, ceux-là. Il y a trois bouquins. Tu les as foutus dans le fion. Il y en a quatre. Il y en a quatre, mais le quatrième, il est introuvable. C'est pas ça, mais c'est sûr que... Ah, comme le numéro 14 de la compagnie. Le quatrième, je ne l'ai que sur ma tablette, en fait, en version des maths, en Kindle, quoi, si tu veux. Donc ça s'appelle Velvet Kiss. Avec ouais, consentement. Ouais, ça a l'air assez soft. Ouais. C'est la même auteur que Love on the Job. Love on the Job. Bah oui, alors. Où il y avait du consentement. Pareil. Ouais, je dirais avec. Donc oui, dans Velvet Kiss, il y a du consentement, et c'est un excellent hentai. Raven demande si tu vas amener des livres à Podren. Non, je n'en fais rien, on anime rien, donc non, je vais rien amener. Pour le off, il faudra venir dans le Miami. Pour le off, oui. Pour le off, ouais, parce que j'en ai encore un à la pour maison. Pour le off, c'est orgie, mais pas pour déjà, l'alcool, c'est compliqué, alors rien de Donc, Velvet Kiss. Ça dépend, peut-être qu'elle parle du Kama Sutra. Pour faire l'histoire rapidos de Velvet Kiss, c'est l'histoire d'un mec qui se fait arnaquer par... pas trop comment, enfin, il se retrouve avec une dette, alors qu'il il se fait arnaquer par quelqu'un, il se retrouve avec une dette de... 800 000 euros, enfin un truc comme ça. Non, beaucoup, beaucoup. Et donc, pour pallier à sa dette, on lui propose, ok, on va geler votre dette si vous acceptez de jouer les petites amies de donc, la fille qui est sur la couverture. Et qui est une petite fille qui branle rien dans sa vie et qui passe son temps à organiser des orgies avec ses potes dans des hôtels. Parce que c'est logique, qui branle rien, c'est nous aussi, elle branle quelque chose. Parce que c'est c'est la fille du patron de la compagnie de recouvrement de dettes, et ils sont richissimes, tout ça, tout ça. Et donc ce mec va petit à petit. Ouais, on ne sait pas forcément consenti non plus. Si, c'est consenti parce que. Ouais, mais on lui laisse un choix qui est assez chiant, quoi. Non, en fait, c'est la fille qui veut tout le temps se taper le mec. Le mec, il est bon. Ouais, mais le mec. Ah oui, donc. Ouais, donc, pas c'est pas forcément consenti. Le mec, il est moyennement chaud, mais bon, la fille, elle est quand même. Bon, c'est une petite jeunette qui a une vingtaine d'années. Ouais, qui est quand même pas moche, donc il se dit, bon, allez, c'est pas moche non plus. Si tu inverses le sexe, c'est ce que j'allais dire, justement. C'est pas consenti. Ouais. Peut-être. C'est comme un mec qui se tape des gonzesses à gogo, ça sera jamais l'équivalent d'une salope. Quoi. En tout cas, dans ce sens-là, l'histoire marche et ça reste une histoire. T'as l'impression quand même d'une relation à peu près. Enfin, peut-être qu'au départ, il est. T'as quand même pas l'impression que c'est trop forcé. Quoi. Donc ça reste agréable. C'est agréable à lire. C'est partir du principe que les mecs sont des queutards, c'est assez dérangeant aussi. Et donc c'est un 4 tomes, celui-là, j'ai que 3 tomes en physique, puisque déjà le tome 1, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Après, si vous êtes brune, la petite... j'avais commandé les 4 tomes d'un coup, sauf que quand je les ai déballés, enfin quand j'ai commencé... Quand j'ai tout déballé, le coup est parti tout seul. Quand j'ai voulu commencer à lire le tome 1, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je comprends rien. Et en fait, j'avais le tome 1 et le tome 4, ils étaient en allemand, je crois. Ah oui, ils sont très forts les Allemands. Parce qu'en français, ils sont pas disponibles. J'ai réussi à choper le tome 1 par un revendeur tiers. Et le tome 4, il est introuvable. Le tome 2 et 3 sont trouvables, mais les tomes 1 et 4 sont introuvables. Donc j'avais fait un petit tweet. Donc c'est chez Soleil. Oui. Donc pour leur demander, ils m'ont dit non, on n'a aucune intention de réimprimer ces trucs-là. Soleil, c'était pas la boutique à Boudjelal, ça ? Si, de Moumou. Bah, appelle-le, demande. Donc le seul moyen de les avoir maintenant, c'est un des maths version Kindle sur Amazon. Au niveau des dessins sur le dernier, ça fait très shoujo. Shoujo. Au niveau des yeux, des grands yeux. Ouais. Enfin, même tout le character design et tout. C'est peut-être pour ça aussi que ça passe mieux qu'au même taille. C'est dessiné par une fille. Hein. Après, oui, c'est dessiné par une femme, tout comme Love on the Job. Ouais. Donc voilà. Et du coup, t'as fini ? Oui, c'est tout pour moi. Donc, ça au niveau... reste encore quelques centimètres avant d'atteindre le plafond. Non, c'est bon, mes sacs sont vides. T'as ça au niveau tes valoches sont vides. Bon, ouais, c'est cool. T'es pas venu là pour rien. Du coup, t'as ça au niveau d'un abonnement. Enfin, c'est une box que tu commandes, que tu es abonné. Et est-ce que ça vaut le coup? Alors, honnêtement. Enfin, en gros, je compte un colis tous les 3 mois parce qu'en gros, t'as un mois où t'as rien, puis t'as un mois où t'as 4 mangas et 3 DVD, puis le 3e mois, tu as encore un manga et 2 DVD, comme ça, en bonus. Pour moi, non, ça vaut pas spécialement le coup parce que c'est quand même 20 euros à chaque fois. Ouais. Et honnêtement, pour la qualité, ouais. Sur un numéro, donc en 3 mois, il y a un manga à retenir. Les DVD sont vraiment pas ouf du tout. Ouais. Du tout. C'est des vieux trucs dégueulasses en 4 tiers, déjà. Est-ce qu'il vaut mieux les commander à l'unité sur des sites spécialisés ? Alors, vaut mieux les commander. Sur Alibaba. Bah, sur le site. Sur Alibilou. Sur tout simplement sur le site. Alibadou, ah bah toujours Alibilou. Sur le site de Hot Manga, où il y a cet abonnement, tu peux les commander à l'unité aussi, les trucs. Ouais. Les DVD et les mangas, tu peux les commander à l'unité. Je pense que c'est préférable. Essayer de se renseigner un petit peu sur la qualité des trucs avant et les commandes d'immunité. Moi, je songe très fortement à arrêter mon abonnement parce que sur les trucs que tu nous as passés, c'est vrai qu'il n'y a pas. Il n'y a pas tellement qui sort du lot. Ouais. Non. Non, les seuls trucs qui sortent du lot, c'est donc My Good Boy. C'est les autres, ils sont dans l'autre pile. C'est donc I Am Pure and Innocent Inventory et Yomedich. Voilà, c'est en 3 numéros, j'ai lu à chaque fois un de ces tomes-là qui était sympa, et tout le reste, bon, c'est des trucs basés sur beaucoup sur du viol. Quoi, donc, et ça prend de la place pour c'est quand même. Ouais, c'est ça. Ça vaut pas le coup. Il y a du cul, donc c'est excitant, mais c'est quand même ultra dérangeant. Quoi. Quand tu dis ça, tu fais. Le mot est faible. Ouais, non. Ouais, mais bon. C'est ouais, mais non. Arrêtez, c'est le dossier. Non, c'est le dossier. Bien. Merci, Asto. Non, c'est un coup, pas le quiz, pardon. Le quiz. Merci, Asto. Et maintenant, on va passer au moment que Pépé attend avec une impatience non contenue. Je le vois trépigner sur son siège. Merci, Fag. C'est les questions aux invitos natifs. Putain, j'ai l'impression d'être le chéru qui c'est une idée de Fag. Oh là, Allez, viens. On va manger des chips. T'entends? Des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. J'aime bien la non-cohérence de ces jingles. J'aime bien le grésillement. C'est une idée de flag, cette rubrique. Les crépitos. Non, c'est. C'est une idée de merde. Ouais, mais c'est juste je te laisse la main. Moi, j'ai pas la liste sous les yeux. Alors, que je retourne dessus. Donc, on va commencer par. Bah, c'est toi qui décide qui commence. Eh ben, on va commencer par Sophie. Alors, entre 1 12. Et 91, mais pas la 8, pas la 12. Passe 12. On va voir si tu veux en garder pour chez toi. 53, c'est fait, ouais. 58, non, c'est fait. C'est une question de Randall Flagg. C'est très étonnant. Jusqu'où les chauves se lavent le visage? Jusqu'au cul, t'as qu'à dire. Je m'étonne pas qu'il ait plus d'amis. Il doit casser les couilles à tout le monde. Mais tu m'étonnes. Oh putain. Du coup, ta réponse est jusqu'où? Je sais pas. Ça vient tellement du cœur. C'est. Flag, je t'adore, mais là. T'es vraiment un gros con. Bon, on va rester là-dessus pour cette question-là. Soit t'arrêtes, soit t'as. Allez, la prochaine pour Jean-Jean. La première. Number one. Merde. Slip ou caleçon? Oh putain! Ah, James, ni l'un ni l'autre! Selon Evan, c'est possible. Cunu? Non, en caleçon. En calcif. Allez, le meilleur pour la fin, monsieur David. 13, ça a été fait le 13? Troll, 59, t'es sûr d'avoir un truc de fun? Ah putain, je sens que je suis tombé bon. Vas-y. Aimes-tu les films sur les gladiateurs? Oui, bien sûr. Et les prisons turques? Tu trouves ça joli? Et les prisons turques. Allez, suite. Monsieur Gandalf, j'ai 81, est-ce que tu es prêt? Je suis excessivement prêt. La question maintenant, c'est quand je vois le titre, est-ce que nous on est prêt? L'apéro vaginal, le triple X parodios natif. Allez, c'est à toi. Oh mon dieu! Il a fait une couche. Ouais, non, mais ma main a coupé, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. C'est à toi. Ah les amis, non, on parlait hentai, on était bien, on était là. Mais vous savez qu'il existe aussi d'autres types de porno. Et par exemple les parodies porno. Ah oui. D'où le harapéro vaginal. Ah d'accord. Voilà. Okay. Là voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit quiz, parodie porno. Alors je vais vous demander, est-ce que ça existe déjà, hein, est-ce que vous en voyez une? Et après, je vous demanderai de trouver le titre et je vous raconterai le synopsis. Peut-être des fois, je ferai certaines dans d'autres sens parce que... Des fois, il faut les prendre à l'envers. Par exemple, si je vous dis The Human Centipede. C'est quoi, s'il y a une parodie? Ah oui. Ah oui, sûrement. Bon, très souvent, c'est oui. Hein, s'il y a une parodie de Human Centipede. Il faut deviner le nom après. Ah, ouais. Human Centipede. Ok. Senti cupède. Il est cupède. Cupède. C'est pas cupède. The Human Centimètre. Non. Non, c'est beaucoup, non, beaucoup plus simple. Là, c'est beaucoup plus simple. Ils sont pas emmerdés. Ils sont vraiment pas emmerdés. The Human Centipede, The XXX Parody. Non. Voilà, j'ai quand même mis des trucs un peu plus. Un peu plus high level, tu vois. Plus drôle. The Human Centipede. Non. The Human Centrifuge. Sexipède. En fait, ils sont reliés par les appareils génitaux. Par les couilles. Bah, en fait, même qui fait la pipe. Ils étaient inspirés. Ah oui, là. Ah oui. Est-ce qu'il y a une parodie porno de la cuisine des mousquetaires? Je sais même pas ce que c'est. Ça dépend. Est-ce que Maïté a le rôle titre? J'espère pas. Pardon, quand même. Ah, si, tu sais, l'épisode où elle attrape le gourdin pour taper sur la tête. T'as vu comment es-tu l'anguille? L'anguille. Ouais, mais tu sais pas ce qu'elle en fait, l'anguille, après ça a été censuré. Ah. La cuisine des mousquetaires. Ouais, c'est sûrement, je vois bien un Rocco Siffredi là-dedans. Non, c'est trop fort. Bon, de ce que j'ai vu, c'était non. Et je vous ai fait du coup un petit synopsis aux petits oignons. C'est Maïté et Micheline, bien évidemment, tuent des anguilles, mais avec le cul. Il les étouffait. Voilà. Oh, les pauvres anguilles. J'ai l'impression qu'il a juste repris le synopsis de l'émission de base et il a juste rajouté, mais avec le cul. Tu peux faire n'importe quoi. Ah oui, tout, mais avec le cul. Une parodie porno de Motus. Essaye de choper la boule noire, mais avec le cul. Cauchemar en cuisine. Ça, c'est un concept. Cauchemar en cuisine. Oh, si, oui. Ouais, sûr. Ça existe, mais non, trouvez le nom. Cauchemar en cuisine. Cauchemar en cul. Non, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est vraiment. Gros hard en cuisine. Oh, bah. Gros cauchemar en cuisine. Ouais, pas gros. Brackmar. Ah, ça aurait été drôle, mais non. Ah merde, ça. Non, c'est un mot qui ressort souvent. Ouais. Je crois vraiment. Pas vraiment d'indice. Grosse bite en cuisine. Grosse bite de la fellation. Une femme un peu. Une femme un peu. Non, une femme. Cauchemar en cuisine, non, mais à part. Ouais, Brackmar. Ça parle. Ouais. On va dire déjà le premier mot. En cuisine, c'est une femme. En cuisine. Madame, non, pas du tout. Madame en crépine. Salopard en cuisine. Non, mais j'ai dit c'est en cuisine. C'est Traquenard en cuisine. C'est le nom d'une femme. Ah, Traquenard. C'est une femme, c'est une femme, c'est un mot qu'on peut utiliser pour une femme. Pute en cuisine. Voilà, bien. Salope en cuisine. Parce que je viens de dire. C'est même pas tu l'as dit. Si c'est même pas drôle. Non, mais j'ai jamais dit que c'était drôle. Révan proposait chaudasse en cuisine. La chaudasse, c'est avec un zéro. Et il y a des synopsis que j'ai trouvé à droite à gauche. Dans là, le slogan, c'est la gastronomie, l'espace à la sodomie. Ça en dit long sur le projet de l'émission. Un chef étoilé vient sauver un restaurant et pour ça, il doit utiliser son zizi. Pour touiller. Oui. Très important. Après, il faut goûter. Est-ce que c'est Gordon Ramsay? Ça, on sait pas, c'est It's fucking shit. Ça, c'est très génial. Les visiteurs. Oui, c'est ça. Ah oui, mais c'est forcément. Les visiteurs du cul. Tu peux rajouter. T'as tout compris à ce. Les proctologues. Excusez-moi, je fais que passer. Vraiment beaucoup plus simple. Les visiteuses. Voilà. Du cul, ouais, les visiteuses. Ouais. Les visiteuses. Alors, je lis le. J'ajoute du cul à tous les trucs, ça passe. Alors, c'est le. Comme on dit porno, mais marin. Du cul. Du cul. Donc, c'est le comte de mon plaisir, accompagné de son fidèle serviteur, Finouille, la crasse-pouille, passe leur temps à déflorer les jeunes pucelles du comté. Ah, et après, évidemment, ils tombent sur un magicien. Et le magicien. Le roi de puissage. Il était les portes au bâtiment. Et il baisse de la petite jeune du. Voilà. On savait rigoler à l'époque. Putain, ouais. Voilà. Elle fermait leur gueule. Est-ce que le film Intouchable du cul du porno. Intouchable du cul. Intouchable du cul. Oh bah oui. Bah, il est sur le fauteuil roulant pour lui toucher le cul, c'est chiant. En mangeable. Au pire, tu touches le scar. Mangeable. Eh ben, force est de constater que je n'ai rien trouvé. Oh non. Ah, faut la faire. Je suis pas. Allez, ce soir. Allez, à qui on pète les jambes ou au pire, on appelle Philippe Rose. Nous, on peut pas en enregistrer, mais il y en a une qui écoute là, qui est libre. Ou ton chien. Je voulais le synopsis que j'ai fait aux petits oignons. C'est l'histoire d'une personne en situation de handicap qui se fait sauter le cul par un gros black, mais qui a pas mal. Ah bah, c'est pas un black alors. Il sait rien, il est paralysé. Ouais, il est paralysé. C'est un carnaval de Dunkerquois déguisé. Vivement le remake. Docteur Who. Oui. Donc, bah oui, Docteur Who du cul. Allez, c'est blague. Non, il est Dalek. Non. Il a sûrement un fait sur la tête. Ah non. C'est. Ils ont été beaucoup plus progressifs que la série avec la nouvelle saison. C'est une femme. Mm-hmm. C'est déjà une femme, la docteur. Non, c'est docteur. Oups. Wow. Oui, docteur. Oh putain. Ah, oh putain. Ah, oui. Game of Thrones. Bah oui. Game of War. Non, c'est dur. Du cul. Game of Hard. Non, c'est dur. Game of Thrones du cul. Vous allez trouver, mais c'est dur. Le trône des fesses. C'est vigoureux, quoi. C'est un peu. Game of. C'est du babandé. Trône. Dick of Throne. Game of Bone. Oui. Game of Bone. Oui. Game of Bone. J'ai lancé. Ah, je suis bon. J'ai pas les synopsis là, par contre, vous voyez. Ouais, mais ça doit être arrivé à la série. Bon, on va faire une recherche. J'ai tellement de cul dans la série de base. La vérité si je mens. La vérité si je bande. Eh oui, la vérité si je bande. Bien sûr. Cinq femmes sont réunies autour d'une table. Le film se déroule en flashback pendant que chacune d'entre elles rencontre ses nouvelles expériences. Alain Soral. Putain, on croira mon dernier. Alain Soral. Alain Soral du cul. Alain Soral. Alain Soral du cul. Alain Soral. Oui, il doit y avoir un truc avec Sorla en anal ou un truc comme ça. Non, en fait, il n'y en a pas. Hein. C'est moi qui ai inventé ça, mais je vous ai fait un synopsis aux petits oignons. Alors, en fait, c'est le viol de Dieu offert. Dieu offert. Je l'ai pas. Dieu offert. C'est donné. Non, je l'ai pas. Ben oui. Quoi? Je l'ai donné. C'est le viol de Dieu offert avec des quenelles. Dieu offert. Il est donné. Ah, Dieu est donné. Oh, voilà, okay. Je vous ai fait un peu. J'avais pas les. Il s'est pas parlé. T'es pas très. Oui. Ouais, ah, Dieu offert, pardon. SM, oui, voilà. C'est d'accord. Alice au Pays des Merveilles. Oui. Ah, c'est Alice au Pays des Merveilles. Oui, c'est passé voilà. Sur France 5 ou sur hein Arte. Non, France 4, oui. Non, mais Alice au Pays des Merveilles, si. Il y a... Ouais, bah, c'est vrai, le sur Alice au Pays des Merveilles, c'est un classique, sur Gulli, Gulliver. Un truc. Gulliver. C'est très vieux en plus. Je crois que c'est très old school. En fait, ça reste Alice au Pays des... Verges. Non. Des mille verges. Ah ouais, ça va, ça se tient. Des mille louis après. Des mille louis au soleil. Des mille louis. Non, c'est un mot, c'est un qualifié, oh, plus un noble. Okay. D. D. Alice au pays, D. Des putes. Non. Oh, des boobs. Des boobs. Père. Pervers. Eh oui, Alice au pays des pervers. Le Seigneur des Anneaux. Bah, Seigneur des Anneaux. Eh oui. Et donc le synopsis, c'est Gandalf 81 décide de violer des symbiotes et des elfes, mais finit par Jean-Cul des Nazgûl. C'est le vrai synopsis. Monsieur Jean, plus loin, cul des Nazgûl. Oui, Jean. Ouais. Des Nazgûl. Donc il y a Revan qui propose en décalé Alice au pays des quéquettes. Coupé des quéquettes. Il y avait eu Blanchefesse au pays. Blanchefesse, c'est les sept mains. Connu, reconnu. Avec son slip sur la tête. Prédator. Prédateur du cul. Alors ça, c'est un compte Twitter, par contre. Celui-là, oui. Du cul. Ouais, je sais, je suis. Prédateur. Toutes les demi-heures, on vous dit un sommeil. Il y a un porno là-dessus. Eh oui, ça existe. Avec des tentacules, ça laisse-moi... Allez, c'est des japonais, non? Non. Prédateur. Beaucoup plus simple que ça, en fait. Prédateur. Enculateur. Prédanus. Il y avait l'Enfonceur comme film, qui existait vraiment. Mais c'est pas un film porno, en plus. C'est pas l'Enfonceur, c'est un film. Non, en fait, c'est Prédatrix. Oui, parce qu'on n'avait pas eu des noms comme ça. Donc je vous lis le synopsis. Monstrueux alien prend l'apparence d'une superbe Amazone pour piéger ses proies. Sauvage pendant l'acte, son but est de procréer un plaisir intense à son partenaire avant de ne qu'il ne meure d'épuisement. C'est ma femme. Maltilix. Là, on va voir si vous suivez l'apéro original. L'apéro vaginal. L'apéro vaginal. Et le synopsis, c'est quand les chiens de casse du podcast aboient. Les caravanes passent. Non, non, non, mieux que les ça. Les caravanes cassent. Le caravan y passe. Oh. Ah ben, elle va être contente de la durée. En fait, j'ai fait tout ça pour caler ce jeu de mots, en fait. Oh, le con. Ah, il y avait une parodie. T'as fini ou quoi? Ah non, non, je suis encore. Ah, tu l'as dit? Non, mais c'est pas, je te ferai à la fin. Ah, tu feras la fin. Mais en premier tiers. Ouais, voilà. alors là, je vais donner le nom transformé, mais vous allez le trouver rapidement. Ass Wide Slut. Ass Wide Slut. Ouais, voilà. De Starley. De Lubric. De Scandal. De Starley et Lubric. Armageddon. Armageddon. Non. Anal Guidon. Ce qui est chiant, c'est de passer la potence en lui. Ouais. Peter Pan. Peter Pan. Oui, bien plus compliqué que ça en fait. Hein, c'est Better bon. Pin. Vous allez. Ah, tu es tube. Non, là, un peu plus simple. Best Pin. Non. Best Pin, c'est une planète dans Star Wars. Non, ne le lancez pas. En fait, c'est Capitaine Hooker et Peter Porn. Ah oui, Peter Porn. Il y avait Revanet, elle avait Peter Pin. Ouais. Ouais. Et Cobal n'a pas encore. C'est marrant comme c'est le seul moment où il y a des auditeurs. Ouais, mais c'est ça. Hein. En fait, et on est à 6, ça veut dire qu'il y a au moins 2 personnes. Mais du cul drôle. Oh, c'est simple, les tontons flingueurs. Les tontons baiseurs. Les tétons flingueurs. Non, c'est. Les tétons. C'est flingueuses. Ça reste, oui, ça reste. C'est les flingueuses à la fin. Les tatas flingueuses. Non. Ça commence par un T. Les tétons flingueurs. Non. Les tétons flingués. Les tarleuses. Tring. Les tringleurs, ouais, les tontons tringleurs. Bon, vous allez beaucoup rire, hein. Du cul. Le château de ma mère. Du cul. Le vagin de ma mère. L'anus de le ma mère. Le château de ma merde. Le donjon de mon père. En fait, parce que vous allez voir que c'est très méta. C'est un peu méta. C'est très méta. Voilà, la chatte de ma mère, il y a. Mais après, il y a un truc à voir encore. Hein, parce que c'était une œuvre de qui? Marcel Pagnol. Marcel Pignol dans La chatte de ma mère. Ah, ça vous est pas. Soda. Sodo. Soda avec Kevin Adams. Ouais, c'est ça. Et Sodo avec Kevin Adams aussi. Là, c'est vraiment Sodo du cul. Voilà, ouais, donc là, c'est Sodo. Non, c'est Kevin Adams qui n'a toujours pas son bac, décide de se dépuceler entre amis. Bon, bah écoute, il y a des films français qui ont fait ça pour moi que ça. Là, on va faussement finir parce que là, c'était les fastoches. T'as pas d'Usul. Ah bah Usul a déjà fait son propre porno, donc on peut pas le parodier lui. Il se fait sucer sur les internets, il se fait reconnaître par son grain de beauté. Comme quoi, il y a des gens qui connaissent les grains de beauté. Il porte à gauche en plus. Ouais, ah bah c'était ça. Hein. Le grand bleu. Ah, la grosse blague. La grande blonde. Non. La grosse blague. Non. Oh mais non, en fait, ça reste bleu. Le grand bleu du cul. Ça reste bleu. ça reste bleu. Ah oui, ça reste bleu. La pine bleue. Le gland bleu. Oh, ah, bien. Le gland bleu. Alors, ça, faut autant faire avec les anneaux. Autant le texte tout à l'heure, ça l'est pas, mais c'est, là, les films... C'est mon côté, je trouve. Marc, t'as déjà la taille. Alors, Pokémon. Oui. Oh bah oui, Pokéfion. Pokéfion, oui. Ah non, non, pas du tout. Ah non. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je pense que vous ne trouverez jamais. En fait, c'est Strokémon. Scratchou. Strokémon. Ouais, voilà. Strokémon. Avec sa chatte. Aspifion. Et comment s'appelle Pikachu? Pikafion, tu cul. Pikachu, donc il perd son P. Hein, il a le P disparaît. Pikachu? Non. Pikachu. Non. Pikachu perd son père. Pikachu. Bah, Pikachu. Perd son père. Non, en fait, il est transformé par une autre lettre, en fait. C'est une lettre qui prend la place du P, quoi. Pokémon. Pikachu. Non. Pikachu. Ouais. Pikachu. Ah oui, Pikachu. Donc, en fait, il y a une actrice porno qui est déguisée en Pikachu, donc elle est toute jaune. Et... Ah, je sens qu'on se rapproche de la parodie de Bob l'éponge. Oui, voilà, c'est ça, c'est du même Akabit, donc c'est. Akabit. Avec un T à la fin. 48, bien sûr. Je sais plus qu'est-ce que c'est la parodie de Bob l'éponge. Je sais plus quoi, c'est pour Square Nuts. Ouais. Non, après là, on est bientôt fini, mais là je vais vous parler des parodies porno DC Marvel. Et vous allez voir que les mecs sont allés plus loin que les films. Parce que si je vous dis Spider-Man XXX parodie, par exemple, qui c'est qu'il y a dedans? dans ce Spider-Man porno. Non, pas du tout. Black Panther. Bon, forcément, il y a Peter Parker. La chatte noire. Oui, mais il doit y avoir. Non, même pas. Même pas la chatte noire. Il y a Tante May. Ah oui, il est dedans, mais non, je sais pas où est-ce qu'elle fait. Mais... Non, il y a Mary Jane. Hein. Mary Jane. Ouais. Est-ce qu'il y a Gwen Stacy? Alors, Sanon, s'il met les doigts dans quelque chose, il peut traverser. Le choker. Ah, c'est un truc électrique. Ouais. Bah alors, donc, le seul héros électrique qui existe dans Spider-Man, quand même. Pikachu. Mais si, c'est Lector. Electro, voilà. Electro. Et après, il y en a un qu'on voit dans aussi, dans Daredevil. Punisher. Non. Bullseye. Non. Il est Mastoc. Ah, le Caïd. Ouais, il y a le Caïd aussi dedans. Vous voyez qu'ils sont allés plus loin que les films. Ah, Bullseye, oui. Ouais. Après, par exemple, si je vous dis dans Batman versus Superman, la parodie porno, qui c'est qu'il y a dedans? Bon, mais c'est vrai. Catwoman. Il y a Batman, il y a Superman. Et il y a Wonder Woman. Qui a des seins comme une baraque en plus. Hein. Wonder mais, Woman. Qui Wonder c'est Woman. Ouais. Joué par Florian Mendes. Je sais pas. qui c'est qu'il peut y avoir en plus de Dark. Lex Luthor. Oui, oui. Ouais, Florian Mendes en Wonder Woman. Voilà, il y a Catwoman déjà. En plus, le Joker, Michel. Le pingouin, non, l'épouvantail. Non. Le Joker, Freezer. J'aime bien Nathan. Elle est super. Dark Side. Supérieur. Oui. Et la troisième, vous la trouverez jamais. Vous serez arrivé chez Maxima quand même. Que je savais à peine que ça existait. Après, il y a eu le crossover. Voilà, le double gâteau là. La crossover, oui. Voilà. Pour pas manquer le. Donc, c'était X-Men versus Avengers. Pas un peu comme le truc d'un Romita Junior, mais The XXX. Parodie, voilà. XXX. Donc, qui c'est qu'il y a dedans? Allez, ça, c'est The Boys, non? Avec les G-Men. Bah, il y a Cyclope. Alors, je l'ai pas noté. Wolverine. Je sais pas pourquoi. Wolverine. Hulk. Non, il n'y a pas Wolverine. Il y a Marvel Girl. Il y a Hulk. C'est pas Marvel Girl. Non, celui-là. C'est même pas Phoenix. Il y a Charles Xavier. Non plus. On n'est pas les handicapés. C'est attends, c'est des X-Men. X-Men versus Avengers, oui. Le fauve. Le gars. Alors, je sais pas si j'ai mis tout le monde, hein, parce que moi j'ai pris que Iron Man. Ah, mais t'as pris que les Avengers. Wolverine. En fait. Alors, je crois qu'Iron Man il y est, oui. Iron Man, tout ça. Captain America. Mais non, mais dans les X-Men. Captain America il y est. Là, ça fait sens, là. Iron Fist. Iron Fist, franchement. Il est à sa place. Alors, il y a. Il y a Serge. Serge. Ça. L'homme Serge. De la compta. Magneto. Ah, c'est un mode. Attends, est-ce que je fais un jingle? Est-ce que vraiment je vais mettre un jingle? Mets un jingle, Randall. Mets un post-prod. Ouais. Il y a Magneto, Serge. Il y a un héros qui a intégré le MCU un peu sur le tard. Spider-Man. Voilà, non, il y a Spider-Man dedans, vous voyez, et c'était sorti en 2012. Les mecs avaient senti le. Donc ça veut dire que c'est avant le New Avenger. Ah oui! Ah, mais les mecs avaient le. Putain, ils ont prédit. Maintenant, je voulais prendre dans l'ordre que je les vois. Il y a une. La chatte noire. Oui, la chatte noire, bravo! Une qui fait des tempêtes et qui a une chie. Ouais, bah tempête. Ah, c'est celle qui a les cheveux blancs. Voilà, ah, c'est Storm. Ça. Ouais, elle est bien, elle calme. Ouais, il y a quelqu'un qui crie très fort. Oui, voilà. Donc qui c'est The Hurleur. The Benji. La Benji. Benji. La Benjir. Après, il y a y avait le Cyclope. Si ce n'est pas le Cyclope, c'est notre enfer. Oui, c'est Avok. Avec le nombril. Voilà. Avok. Voilà, Avok. Ou Vulcan. C'est un oiseau qui, quand il voit des gens, il se marre, il se fout de leur gueule. Le Ricaneur. Non. Mocking. Ah, Mockingbird. L'aigle noir. Après, il y a Polaris. Ouais. Voilà, ça, je ne l'aurais pas deviné. Mais Mockingbird. Il y a un méchant dans Jessica Jones. Kill Grave. Il n'y a pas de méchant. Ouais, par Purple Man. Kill Grave. Ouais. Il y a. C'est une chatte qui a de la fierté. Sur un toit brûlant. Un chaton qui a de la fierté. Pride Cat. Kitty Pride. Oui, bravo. Il y a un mec qui est un peu. Cyclope. Un peu bien frais. Nick Fury. Oui, ouais. Cable. Ouais, Nick Fury. Et après, il y en a un, c'est un noir, il est costaud. Ronick Fury. Non, il est. Il, oui, voilà. Ah, mais c'est. Luke Cage, voilà. Et après, maintenant, j'ai Avenger tout court. Hein, c'est une cross parodie. Ça sera notre avant-dernier. Qui c'est qu'il y a dedans? Vous verrez. Tout le monde. Tout le monde est là. Captain America. Scarlett Johansson. Oui, le 4 fantastique. Black Widow est dedans. Luke. Hulk, il est dedans aussi. Captain America. Captain America. Captain America, il n'est pas marqué dans mon truc. Je sais pas s'il y est, mais. La Vision. Donc il y a non plus. L'autre avec ses flèches. Okai. Oui, voilà, Okai, il est dedans. L'autre là avec ses ailes de Falcon. Non. Green Lantern. Vision. C'est drôle parce que non plus. C'est drôle. Thor, c'est pas là. Oui, voilà, ouais. Loki. Okay. Non plus. L'Enchantress. Donc il y a une elle est Marvel. Marvel, Miss Marvel. Oui, Captain voilà. Marvel. Miss Marvel. Miss Marvel. Il y a Rabesco. Alors, c'est Hulk et qui fait caca. Et Derek en guest. Et il y a Hulk qui fait caca, il change de genre. Ah, She-Hulk. Bah, oui, She-Hulk. Bravo. Jennifer. Voilà, c'est Jennifer. Donc, il y a encore notre ami le Biafré aussi. Nick Fury. Ouais, Nick. Voilà. Il y a une sorcière qui a une couleur. Witch. Voilà. Scarlet Witch. Il y a notre ami le, qui balance des fils de partout. Spider-Man. Spider-Man. Et il y en a une aussi qui balance des fils de partout. Spider-Woman. Ouais, et donc c'était Spider-Woman. Je veux le numéro. Ah, Jessica. C'est la troisième. Donc, c'est celle en rouge. Oui, c'est Jessica. Ah, là, ouais, c'est Jessica Drew. C'est ça. Et après, il y a Bruce Banner aussi, parce que Bruce Banner, moi, c'est mon man de bravoure. Un peu. Tu vois, il a le droit de. Là, ouais, aussi, a le droit de Bruce, Bruce, ça fait un petit peu trop pédé. Et après, j'ai donc notre dernier cas de figure, c'est Joe Satriani. Donnez-moi du score. Ah, il se met sur déjà suffisamment pour ne pas faire de pronom en plus. Hein. Ah là, si vous trouvez le jeu de mots que j'ai fait, il se joue lui-même dans les paroles. Joe Satriani. Joe Satrianus. Non, c'est trop simple ça. Joe Sodomie dans mon anus. Non. Je me suis mis dans la nuit. Non. Et franchement, c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas grand chose qui change. Je vais vraiment changer. Bite. Non, bite. Joe Satriani du cul. Oui. Il n'y a pas du ça rentre en moi ou. Joe se. Tripanus. Non, Joe se tripote la bite. Joe se tyrannie. Et maintenant, je vais vous lire le synopsis. Donc, c'est Joe Satriani sur la plage du surfeur d'argent, parce que c'est Le premier album. Il viole de planète en planète jusqu'au jour où il sent l'odeur des midi-chloriens. Est-ce que vous l'avez deviné qui c'est qui viole? C'est Dark Vador. Bah oui, c'est Tyranny. Ah oui, putain, les Tyranny. Ah oh, des petits amis. Voilà. C'est de la pédophilie. Bon, c'est bien, la boucle est bouclée. Voilà. Mais. Sinon, il y avait la parodie porno de Inception. Oui, c'est une concession. Ouais. Et les critiques disaient que c'était trop compliqué pour avoir une érection. Donc c'est un peu. Il y avait Rustic Power aussi. Il y avait Anal Power aussi. Enfin, ouais, tu comme ça. Ouais. Chapeau melon et bite de cuillère. Ah, il y en a plein. Ah oui, après j'aurais pu faire plein, mais je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Parce qu'on en a combien là? On est qu'à 1h36. On est poli. Franchement, on a fait des épites courts. À part le deuxième qui était. Ouais, écoute. Bien, mais écoutez, on va se diriger vers la clôture de cette session d'enregistrement. Et il est presque 22h. Hein. Et il est presque 22h. 1h57, ouais. Bravo les gars. Moi, je vais commencer par vous remercier tous d'être venus, d'avoir fait le déplacement jusqu'à Bordeaux. Bah, avec grand plaisir. Merci à toi. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Merci, Bordeaux sûr. Ouais. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à participer à cet enregistrement. Ouais. Toujours. Et est-ce que, pour terminer, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Le rhum est bon. Le rhum est bon. Quand le rhum est bon, on dit merci Jean-Jean. Après le rhum est bon, merci Jean-Jean. Il y a la Lupulus qu'on n'a pas ouvert. Mais ouais, la Lupulus qu'on n'a pas ouvert. Le whisky. On va rester dans la thématique et elle va s'en prendre un petit coup. Voilà. Le whisky est bon Je peux goûter encore. Il est pas bon, mais excellent. Et pour rester dans le on, monsieur Rampillon, est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Absolument pas. Très bien. J'en ai absolument plus rien à foutre. Bien, merci d'être venu alors, c'était un plaisir. On va juste faire un truc qu'on n'a pas fait sur les deux épisodes précédents, se rappeler où est-ce qu'on peut nous trouver. Ah oui, c'est vrai que. Est-ce que. c'est ça sera dans ton cul en fait, y a pas. Voilà. Comme quoi, il y a une continuité. Pour qui la continuité? Les émissions en fait avec le cul. Hein. Alors, c'est un peu original du cul. Quoi. Asto, est-ce que tu peux faire le rappel? Alors, on peut nous retrouver at apéro original sur Twitter, at azertof, at gandalf81, at asto81, at tocheux. On peut nous retrouver une fois par mois également, autour du 20-25 du mois, pour un épisode shooter. Oui, Sur Radium. Radio des vrais. Et pour nos invités, je vais vous laisser décrire votre. Matricule. Décliner votre, votre Twitter. Votre tatouage. Ouais. Voilà. À Jean-Jean. Ok, à tout. Oui, oui, Jonjon. Oui, Jonjon. Parce que Jonjon s'était pris, donc oui, Jonjon. Oui, Jonjon. De toute façon. À Sophie. Un Twitter qui est. Pas alimenté. Qui fait partir des Twitter les plus inactifs de la création. Donc, non, il y a Jean-Michel Apathy. Il y a JM Apathy. JM Apathy. Retrouvez-moi, mais pas sur Twitter. C'est pas la peine. Péremptoire. Bah, à péremptoire. Ad péremptoire, tout simplement. Ouais. Et Monsieur Rampillon. Bah, comme tu viens de le dire. Non, c'est Ad David, David Rampillon. C'est ça. Voilà. Et démerdez-vous. Ad Badgeek, Ad Podre, tout ça, Ad ce que vous voulez. Ad, c'est quoi ton compte machin du cul là? C'est dictionnaire du cul. Ah, bonne du cul. Bonne du cul. Un mot de l'alphabet avec du cul à la fin. Là, c'était al dente du cul, c'était trop bien. Vivement, attends, du cul. Et si on attend 30 secondes, on aura le nouveau mot d'alphabet. Mais... Ah, ah bah on peut. Ah, je me retiens. Attends, attends, je vous dirai. Voilà, voilà. On va se quitter sur ces bons mots. On va s'écouter Sway Some Wastidiers. C'est un groupe de Saint-Médard qui n'existe plus. Le guitariste est parti vivre à Montréal. Ah oui, oui. Du Gers. Non, à Montréal du Canada. C'est un groupe que j'ai découvert il y a 3-4 ans sur un tremplin à l'association Saint-Médard de Saint-Médard-en-Jacques qui s'appelle L'Estran, dont j'ai déjà dû parler ici, qui organise le Jailhouse Rock tous les premiers week-ends de juillet, et pour lequel je vous encourage à aller voir. Non, je vous encourage à y aller, tout simplement. À la bandine du cul. À la bandine du cul. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Et on va se quitter comme ça. Merci à tous. Merci à ceux qui étaient sur le chat. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et merci à ceux qui écoutent ce podcast. À la prochaine. Ciao, ciao. Adi chats. Talou. Empty sun.